écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. C'est Master Steph! Steph, la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Mathieu. Stéphanie. T'es un peu au courant quand même d'un des ingrédients principaux que j'ai utilisé pour ma recette cette semaine, si tu te souviens bien. Oui, la semaine passée, on a fait une recette à la citrouille, mais parce qu'il y avait des restants, donc je pense que ça va être la portion citrouillée de l'émission pendant un bout de temps. Oui, donc on a encore quelque chose avec de la citrouille cette semaine. Et si je me fie, je te dirais, à la vitesse à laquelle mon niveau de purée de citrouille descend, ça va probablement être ça pour la prochaine année. Ah, bon, cool. Non, mais si jamais à la maison, vous avez envie d'essayer ça puis vous avez besoin de purée de citrouille, je peux vous en donner un pot. T'es comme une dealer de citrouille. J'en ai vraiment beaucoup. Pour vrai, là, je vous offre le pot de citrouille. Wow. J'en ai vraiment beaucoup. Est-ce que ça passe date, la citrouille? Ben, c'est dans le congélateur. Ah, hein. Ben oui. Fait que un bon 6 mois, j'ai encore okay. Ça pour un bon 6 mois. Mais non, mais c'est sûr, je vais pas abuser, là. Passer l'Halloween, je pense pas que je vais continuer à parler de citrouille. Mettons, le mois de la citrouille, ça a du sens. T'sais. C'est ça. Je trouve. Le mois de la citrouille. Ouais. Hey, j'ai appris que le potiron, c'était pas exactement la même chose que la citrouille, finalement. Arrête donc! C'est vraiment une autre variété de courge. La langue, aujourd'hui, on apprend tellement de choses. Moi, j'étais sûr que c'est un synonyme. Mais j'étais sûr que c'était exactement la même chose. Une courge. Que c'était juste le français de France et français québécois. Genre. Mais c'est pas exactement la même chose. Eh ben. Mais c'est interchangeable. On peut l'utiliser dans la recette quand même, le potiron, j'imagine. Mais oui. Parce qu'en France, ils vont utiliser le potiron de toute potiron, façon. Potiron, va, du coup, potiron, hein. Du coup. C'est ça. Ouais. Donc. Écoute, je te dirais que la recette d'aujourd'hui a beaucoup de pression sur le dos. Parce que mon chum, lui, bien entendu, il attend pas du tout. Hein, il goûte la veille. Donc, bonjour. Comme ça, au moins, je sais s'il est malade, ben, je vais pas apporter ma recette. On a quand même un test là, qui se fait à l'avance. Tu vas faire quoi, sinon, des toasts? Genre, des tartines? Ouais, je vais sûrement te faire des sushis et beurre de peanut confiture. Tu remplaces la Damien? Oui, bon, ouais, ouais. Ça serait bon, ça. Des sushis. Ah, wow. Oui, donc. La recette a beaucoup de pression parce que quand mon chum n'est pas très expressif. Tu sais, je cuisine beaucoup. Quand il mange, je dis, ben pis, c'est-tu bon? Ouais, c'est bon. Ouais. C'est tout. Okay. Mais c'est juste, je te dirais, ses expressions normales. Mais là, il a goûté puis il a fait, hein? Je fais, oh shit, ça doit être vraiment bon. Fait que là, il y a vraiment beaucoup de pression parce que j'ai des attentes assez élevées. Ouais. Parce qu'il m'en a parlé beaucoup et hier, quand on s'est couché, il m'a dit, là, demain, tu vas emmener juste le strict minimum pour ta chronique. Tu vas garder le reste à maison. Une bouchée pour Mathieu. Ça arrange avec ça. Il la savoura. Donc. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque recette, on dirait, moi, ma barre s'est montée aussi. Parce qu'à chaque recette, je disais, hey, c'est ta meilleure jusqu'à maintenant. T'sais. Même la première, c'est ta meilleure jusqu'à maintenant. Ouais. Là, la semaine passée, j'ai trouvé ça magnifiquement bon. Les biscuits avec l'espèce des sandwichs. Oui, les sandwichs avoine. Et c'était vraiment très bon. Là, ça va être bon encore. Et là, ben moi, j'essaie quand même. Je veux te surprendre à chaque fois. Oui. C'est pas parce qu'il y a de la citrouille. Je veux pas que ça soit prévisible. Que ça goûte la citrouille épicée comme toutes les recettes de citrouille épicée. Ça. Ben, peut-être oui, citrouille épicée, mais sous une forme, peut-être que tu t'y attends pas. Ah, visuellement, tu veux dire? La shape, la forme là, visuelle? Ouais. OK. Donc, aujourd'hui, je t'ai préparé, Mathieu, des bretzels mous cannelle et citrouille. Des bretzels mous? Ben, soft pretzel. Ouais, mais ça a l'air vraiment c'est carrément. Des gros bretzels. Okay. Donc là, oh, les ingrédients, puis regarde pas les autres photos, non, là. Non, je veux pas que tu triches. Non, parce que ça montre la galerie quand je clique dessus. Fait. Donc, tout le monde à la maison, vous allez dès maintenant sur la page d'assemblage requis sur Facebook, dans l'album photo Master Steph. C'est facile, vous allez à la dernière photo toute avec des ingrédients et la suite, ça va s'enchaîner merveilleusement avec toutes les étapes de la recette parce que j'ai pris vraiment beaucoup de photos cette fois-ci. Particulièrement beaucoup de photos, j'en ai 17. 17, wow! Contrairement aux autres, généralement, j'en avais peut-être 9-10. Ouais. Donc là, on a plein de photos. On aime ça. On voit vraiment bien comment ça se passe. Et pour ceux qui suivent une future édition en reprise de cette émission, sur assemblagerequis.com, tout est référencé par date. Tout ça. Oui, ben oui. On va se comprendre. C'est très facile de se retrouver. Je te suis, moi. Donc, la recette de bretzel mou, cannelle et citrouille, c'est tiré du blog La crème de la crumb. Crumb comme une miette. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Parce que c'est une page, un blog anglophone. Là. C'est La crème de la crumb. Malade. Donc, qu'est-ce que ça nous prend comme ingrédients pour faire ces bretzels? Donc, photo 1, on a les ingrédients. On a besoin d'une tasse et un tiers d'eau tiède. Donc, ça dit « very warm », donc très tiède. Oui, très donc, tiède. Donc, on veut que ce soit plus chaud que température pièce, mettons. Mais pas de là à être chaud. C'est ça. C'est ça. Donc, servez-vous de votre jugement. Oui. Ensuite, ça nous prend une cuillère à soupe de levure sèche, 2 cuillères à soupe de miel, 4 tasses de farine, 1/2 tasse de purée de citrouille, 1 cuillère à thé de sel et 1 cuillère à thé d'épices pour tarte à la citrouille. Donc, moi, j'ai pris les mêmes épices que la semaine dernière. Donc, c'est le classique cannelle, muscade, girofle. Et j'ai vraiment séparé moitié-moitié. Là, je me suis pas cassé la tête. Ensuite, pour le bouillage. Donc, parce que j'ai été très étonnée, on doit faire blanchir. Okay? Donc, ça prend tout simplement de l'eau et 1/3 tasse de bicarbonate de soude. Ensuite, le manteau. J'ai vraiment traduit de façon littérale. Pareil comme moi d'habitude. Hein? J'ai traduit de façon littérale. Donc, le manteau, ça nous prend 1/4 tasse de beurre et 1/4 tasse de sucre granulé, plus 1 cuillère à soupe de cannelle. Et finalement, le glaçage. Parce que oui, il y a du glaçage là-dessus. J'espère. Sinon, sors du studio tout de suite. Je veux du glaçage tout le temps. C'est 3 tasses de sucre en poudre, 1/4 cuillère à thé de vanille, 2 cuillères à soupe de fromage à la crème ramolli, et 2 à 3 cuillères à soupe de lait. Wow. Et j'ai quand même ça dans ma bouche puis je gargarise, ça fait du glaçage. Exactement. J'ai quand même été étonnée parce que si tu regardes les ingrédients du bretzel en tant que tel, c'est une recette qui ressemble beaucoup à du pain. Ok. Donc il y a rien de mauvais pour la santé dans la recette du bretzel en tant que tel. Ça dépend peut-être juste de la quantité de beurre et de sucre que vous allez ajouter sur le dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut manger vraiment sans culpabilité, mais pourtant avec plein de bonheur dans la bouche. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment très hâte de goûter à ça. Moi, je regarde tes ingrédients. J'espère que ton lait naturel 2% ne fait pas partie de ceux qui ont été rappelés pour cause de péremption, genre à l'avance. Là. As-tu vu ça? Y a-tu du lait naturel qui a été rappelé? Dans le mois d'octobre, en direct en ce moment, là, le lait 2% naturel, principalement, ça fait partie du lot. Là. Ceux qui ont une date spécifique entre telle date et telle date, passe-date, genre une semaine ou deux avant la date qui est écrite sur le carton. Ah, mais ouais, mais 2 semaines. C'est drôle, hein? Je suis certaine qu'on a le 2 semaines de jeu parce qu'on boit tellement notre lait vite qu'on n'arrive jamais à 2 semaines de la date de péremption. Mm. Mais sinon, regarde, on en boit toute la semaine, on l'a bu, elle est presque vide. On est en santé. Génial. Donc, pas de problème. Tu vois, pour vrai, il y a comme 2 cuillères à soupe. Là. Ah, oh, oh. C'est dans le glaçage. Il y a ces 2 cuillères à soupe au total dans toute la recette du glaçage. Tu fais tout le glaçage pour combien de bretzel? Pour 12 bretzel. Donc, ça dit-tu que la quantité de lait que tu vas consommer dans ton glaçage, c'est absolument rien, si ça peut te rassurer. Est-ce que tu nous as fait une douzaine de pâtissiers? Non, en fait, j'ai coupé la recette de moitié parce que j'avais pas assez de farine et pas assez de sucre en poudre. J'avais pas le goût d'aller à l'épicerie, donc j'ai fait tout ça sans aller à l'épicerie parce que j'avais déjà tout chez moi. Cool. Puis 12 bretzel, c'est quand même long à faire. J'avais un peu peur, donc je me suis dit, 6 c'est en masse. Ouais. J'ai pas besoin d'en faire plus. Si j'aime ça, j'en ferai d'autres une autre fois. Ouais. Donc, on va y aller maintenant pour la préparation. Donc, photo 2. Préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit. Et là, tu m'avais dit, hey, t'aurais dû prendre le four en photo éteint. Éteint, oui. Comme ça, tu vas pouvoir juste photoshopper le degré dessus. Excellente idée. Hein? Mais en fait, même si je l'avais pris éteint, ça aurait donné rien parce qu'il y aurait eu l'heure d'écrire. Ah, donc, oui, ça aurait rien changé. C'est clair. Mais je me suis dit, je vais faire ça cheap. J'ai vraiment juste barbouillé puis je l'ai écrit au gros crayon. Mais il est pas dans tes photos? Es-tu là? Oui, photo 2. Ben moi, la photo 2, j'arrive sur les bretzels en train d'être formé en... Ben voyons donc, toi. Ben là, ils sont pas dans le bon ordre. Ben non, ils sont pas dans le bon ordre, cher. Ben, moi, ils sont pas dans l'ordre, en effet, mais c'est pas grave. Non, moi, je les ai mis dans l'ordre et je les vois dans l'ordre sur ma page. Moi, je les vois pas dans l'ordre, mais c'est pas très important, de toute façon. Donc, photo 2, où j'ai vu que t'as écrit dans peintre 400 degrés, c'est parfait, Steph. Pas dans peintre, photo-filtre. T'as fait photo-filtre, t'es rendu sophistiqué pas mal, mais non, c'est parfait. Et en plus, ça a l'air vrai parce que la lumière oven est ouverte. Ben oui, mais c'est parce que c'est la même photo que la semaine dernière. C'est ça. Donc, ensuite, photo 3, on doit battre ensemble l'eau, la levure et le miel. Mm-hmm. Et on doit laisser reposer 5 minutes. Ensuite, photo 4. On va ajouter la farine, le sel, les épices et la purée de citrouille au mélange de levure. Et ensuite, photo 5, mélanger ensemble jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Donc, pour ceux qui ont déjà fait du pain à la maison, vont s'y reconnaître. Même toi, Mathieu, parce que peut-être... Peut-être que ça va vous surprendre à la maison ou dans votre auto, ou peu importe où vous êtes. Mathieu Plante a déjà fait du pain lui-même. Oui, on m'a expliqué ça en étape vraiment devant moi. Là, je ne peux pas vraiment me tromper. Mais tu l'as quand même fait. Je l'ai fait avec mes vraies mains. Sans gants. Sans gants. Ensuite, photo 6, on va transférer la pâte sur une surface bien farinée et la pétrir quelques instants. Là, c'est perturbant, on voit ma main. C'est vrai, on n'a jamais vu ta main dans une photo. Non, hey, je m'exhibe. Donc, ensuite, photo 7, on doit laisser reposer 10 minutes. Donc, j'ai vraiment pris des photos de toutes les étapes. C'est parfait, ça, pour les gens qui vont suivre à la maison sur Facebook, Assemblage Requis, ça va suivre tout seul. Ensuite, photo 8, on doit rouler la pâte en un gros bio, OK, et diviser en 12 portions égales. Donc là, moi, c'est 6 sur la photo, là, parce que j'ai coupé la recette en deux. Donc, faites pas « Oh mon Dieu, ben, elle en a fait 6, as-tu la même portion? » Regarde, j'ai coupé la recette en deux. Ensuite, photos 9, 10 et 11, ce sont les étapes pour faire le bretzel. Donc, on doit rouler chaque portion en un long bio d'environ de 16 à 18 pouces de longueur et torsader cette pâte en une forme de bretzel. Donc, pour la longueur, c'est facile. C'est comme un sous-marin ennemi chez Subway, mais en beaucoup plus mince. Et je dois dire que j'avais vraiment mal aux mains. À force de twister, là, de frotter entre les mains, là, j'avais la peau rouge et enflée. Ça faisait vraiment mal. Donc, je suis vraiment contente de ne pas en avoir fait d'autres parce que j'aurais dû prendre une pause. Ouais. J'ai peut-être des petites mains fragiles. Mais moi, j'avais mal d'un bras. Moi, j'ai pensé à ma grand-mère qui faisait de la tire Sainte-Catherine à l'époque. Tu sais, il faut que tu étires ça pendant je sais pas combien de temps. C'est super lourd, super dur. Hey, elle avait des bras de feu, moi, ma grand-mère. Fait que je trouve ça vraiment génial. Il va falloir que j'essaie de faire ça un jour, la tire Sainte-Catherine. Donc, c'est ça, photo 9, 10 et 11, on voit bien les étapes. Comment former le bretzel? Donc, c'est tout simple. Ensuite, on doit remplir une casserole avec environ 2 à 3 pouces d'eau dans le fond, pas sur le dessus, faut pas se tromper, et on amène à ébullition. Si on voit la photo 12, on voit qu'on doit saupoudrer délicatement le bicarbonate de soude dans l'eau. Ce que tu fais, on te voit vraiment saupoudrer. Oui, oui. Et attention, ça fait des bulles et de la mousse. Et je voulais vous le montrer. À un moment donné, si ça se met à trop bouillir fort pendant l'opération, on doit même tasser un peu le chaudron du feu parce que ça prend de l'ampleur. Ça broute. Ça broute, mes amis. Ensuite, photo 13, on doit déposer précautionneusement un bretzel dans l'eau et faire bouillir pendant 30 secondes. Juste, exactement 30 secondes. 30 secondes. Okay. Là, c'est facile, là, tu mets ton timer sur ton four là, pendant genre 10 minutes. Là, par photofiltre, évidemment. Exactement. Donc là, tu vas voir le temps toujours se dérouler, donc tu peux y aller à un moment précis et le ressortir à un moment précis. Moi, ça me tentait pas de niaiser que ça. Des fois, 5 secondes, un soufflet peut s'écrouler. Donc, je me suis dit ça, je sais pas quelle précision ça a besoin. On y va 30 secondes ça, pile. C'est de l'eau et du bicarbonate de soude, donc aucune chance de mettre le feu. C'est pas comme de l'huile. Non, c'est ça, c'est pas frit. C'est vraiment blanchi dans l'eau. Tu pourrais le faire frire si tu voulais vraiment, j'imagine. J'imagine. Sûrement. Comme des beignes, genre. Ouais, mais je préfère dans l'eau. Ben oui. C'est plus santé. Moins dangereux. Et finalement, on va utiliser une cuillère trouée pour transférer le bretzel de l'eau bouillante jusqu'à sur un papier essuie-tout. Moi, j'ai pris une spatule. J'avais une spatule trouée, puis c'est plat, donc je trouvais ça plus facile de ramasser. J'avais pas vraiment de... C'est un peu comme dans le style d'un écumoir pour enlever l'écume. Et on répète avec tous les bretzels. Ensuite, photo 14, on va placer les bretzels bouillis sur une plaque à biscuits recouverte de papier parchemin. Et on va cuire de 10 à 15 minutes jusqu'à ce que les bretzels soient légèrement brunis, comme Carla. Oui, Carla brunie. T'en as mis un à l'envers. Oui, mais là, tu l'as dit à tout le monde. Excuse-moi. Il y avait fallait trouver l'intrus, puis on gagnait un bretzel. Ah, OK. oubliez ça. C'est mon toc qui m'a forcé à dire ça. Ben moi, en fait, c'était un peu... c'est un peu trop obsessif compulsif de vouloir toutes les mettre dans le même sens. Mais il voulait comme pas se virer de bord. J'étais en train de le briser. Je dis, ah ben, c'est pas grave, ça va donner un genre. Comme Carla Bruni. Pas s'en virer de bord. Et finalement, on laisse refroidir quelques minutes une fois que c'est bruni. Ensuite, on va mélanger la cannelle et le sucre ensemble. Et on va étendre le mélange dans le fond d'une assiette. Photo 15. Mm-hmm. On va badigeonner le beurre fondu sur les bretzels cuits. Ils commencent, ils ont l'air de vrais bretzels. Ça a l'air fini déjà. Ils sont beaux. Ils sont hein? beaux. Là. Tout bruni. Et... comme surin. T'sais. Exactement. Ouais. Et ensuite, photo 16, on va tremper le côté beurré dans le mélange de sucre et de cannelle. Oh! Ou on peut le prendre et prendre tout simplement saupoudré sur le dessus. Honnêtement, ça fait l'affaire parce qu'il y a des cavités. Donc, je pense que ça va mieux de le tenir dans sa main au-dessus de l'assiette et de saupoudrer oui. par-dessus. Et on est sûr aussi qu'il n'y aura pas de mottons de beurre qui va se former dans la cannelle dans l'assiette. Et finalement, pour le glaçage... on va mélanger ensemble le sucre en poudre, la vanille et le fromage de la crème jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse. Et ensuite, on va ajouter... en fait, ça va faire comme un peu des mottons grumeaux. Là, c'est plus jusqu'à homogénéité. Et ensuite, on va ajouter le lait, une cuillère à soupe à la fois, très important, jusqu'à l'obtention de la consistance désirée à la photo 17, qui est le résultat final... qui nous donne vraiment envie. Ah, tu prends des belles photos en plus. Allez voir sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Merci, c'est gentil. Elles sont toutes là. Celle-là est particulièrement jolie. Ça donne faim, hein? C'est un livre de recettes. Oui, j'en veux. Donc, moi, j'ai trouvé vraiment fascinant de faire cette recette-là parce que, premièrement, je savais pas que les bretzels, c'était un genre de pâte à pain. Puis surtout, j'aurais jamais deviné qu'il fallait les faire blanchir avant de les mettre au four. Donc, j'imagine que ça, avec le bicarbonate de soude, ça fait une réaction chimique magnifique qui fait... en fait, ça gonfle vraiment beaucoup quand tu le fais bouillir. C'est fascinant. C'est comme de la bicarbonate de soudure que tu fais là. C'est comme... Exactement. Ensuite, ben moi, de mon côté, j'ai utilisé moitié farine blanche, moitié farine de blé entier. Puis c'était pas par choix, c'est parce que j'avais pas assez de farine blanche. C'est sûr que le résultat, ça sera évidemment pas identique à la recette originale. Mais ça peut pas être mauvais non plus. C'est sûr que ça va changer un petit peu le goût. Mais étant donné qu'on y a jamais goûté, on pourra pas comparer. Non. C'est sûr que ça va être bon quand même. Puis comme les jeunes disent dans la rue, tu sais. Ah ouais, en tant que tu mets de la farine, right? Fahrenheit, comme all right, comme Fahrenheit. Sinon, il faut faire attention de que le papier surtout colle pas sous les bretzels qui sortent de l'eau bouillante. T'sais, des fois, juste de faire attention qu'il reste pas de résidus parce que veux pas avec l'eau, ça se défait un petit peu. Sinon, vous pouvez, si vraiment ça vous inquiète, là, vous pouvez utiliser tout simplement un linge propre et les déposer dessus. Comme ça, on est certain qu'il n'y aura pas de résidus et c'est plus écologique aussi. Ouais, c'est vrai. Et finalement, préchauffez donc le four un peu plus tard dans le processus de la recette. Il est resté allumé beaucoup trop longtemps pour rien. Ça fait chaud chez vous, hein? Non. Ça fait juste dépenser de l'énergie pour rien. Oui. Je le préchauffe quand on me dit de le préchauffer, mais j'aurais pu le préchauffer peut-être même à mi-recette. Ouais. Écoute, Mathieu, oui. Maintenant que je t'ai dit ce que ça te prenait et comment faire, on veut peut-être aller en musique un petit peu et on revient tout de suite après avec la dégustation et on s'en va entendre dès maintenant la pièce Pretzel de la formation de Great Tits. C'est Master Steph à Assemblage Requis. On est toujours à Master Steph. Et on vient d'écouter la pièce Pretzel de la formation de Great Tits. C'est le fun à dire. Hein? Et je vais revenir peut-être sur le problème des photos qui sont inversées sur Facebook. Si vous voulez être certain d'avoir les photos dans l'ordre, allez dans photos et cliquez sur album Master Steph. Dans l'album, vous êtes certain qu'ils vont être dans l'ordre. Sinon, si vous allez directement sur la page d'accueil, souvent les photos sont juste montrées dans le désordre parce que ils se foutent un peu de l'ordre chronologique. C'est poche Facebook pour ça, mais bon. En tout cas. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu es prêt pour la dégustation? Mais ça! À Master Steph, moi, j'ai fait pour vous des bretzel mou cannelle et citrouille. J'ai vraiment très hâte de goûter. Hey, on sent-tu voir l'odeur? Allons-y. Ça sent le Whooping Ciel. Tu sais, j'ai le nez bouché puis je le sens pareil. T'sais. Ah, good. Écoute. Le Whooping Ciel. OK, donc... Oh. Je mords déjà dedans. On y va, on goûte. Pardon, je vais prendre un côté facile d'accès ici. Tiens, voilà. Ok, t'es pas si facile d'accès que ça, finalement. Ouais? Peut-être un peu trop froid. Un peu. J'aime bien. Un peu mâchouillant quand même, mais... C'est léger comme goût. C'est quand même un bretzel. C'est ça, c'est... Ouais. Ouais. Je veux du glaçage tout seul. Ça fait très pain. Très pain, oui. Plus, je veux dire, comparé à ce qui passé, clairement, vraiment moins sucré. Mm-hmm. Ouais. On l'a dit. Les deux sont bons. J'ai clairement une préférence pour celui de la semaine passée parce que c'était imbattable, mais je l'aime beaucoup celle-là aussi, les bretzels. J'aurais peut-être aimé que ce soit un peu plus moelleux. Ouais, un peu. Mais... C'est dur à manger, désolé. Ça beurre les doigts. Faites de la bonne radio, bon. C'est d'attendre les gens sécher les doigts. Ouais, non, encore une autre bonne recette. Oui, c'est très bon. La crème de la crumb. Et c'est ce qui est vraiment agréable, c'est justement si vous n'avez pas envie de manger quelque chose qui finit par tomber sur le cœur. Mmh. Parce que, oui, la recette de la semaine dernière était bonne, mais moi, j'ai fini par manger les biscuits sans glaçage. Oui. Parce que je le trouvais vraiment très, très intense, le glaçage. Je trouvais que ça faisait trop. C'était trop par moment. Je te dirais que la moitié du biscuit ou de la grandeur du biscuit qu'on avait la semaine passée, ça aurait été parfait. Mais là, oui, j'aime vraiment ça. C'est comme un pain sucré. Et je trouve ça délectable. Hey, je pense que j'aurais rajouté un peu plus de cannelle encore sur le dessus. J'allais dire que ça me faisait penser beaucoup à du pain à la cannelle, cannelle et raisin, même s'il n'y a pas de raisin dans la recette, là, mais ça me rappelle quand même la texture un peu du pain. C'est vrai, ça fait beaucoup pain au raisin. Ouais. Je trouve ça vraiment très, très cool. Génial. Donc, tout ça sur assemblagerequis.com et sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Il nous reste encore le petit blog de trucs et astuces à faire, oui! Steph. Oui! Trucs et astuces. C'est les trucs et astuces. Ok, pas la même chanson, je pense. Donc, c'est les trucs et astuces de Master Steph. Oui, Mathieu. Steph. Si, saviez-vous, ok, qu'un pot maçon standard peut remplacer le bocal de la plupart des mixeurs? Ah! C'est pratique pour un petit smoothie ou pour broyer des noix, des épices, des herbes. Il faut simplement visser la base du bocal avec les lames sur le pot maçon avant de le retourner. Donc, ainsi, la base amovible du bocal devient un couvercle qui est vissé sur le pot maçon et on peut donc l'enlever en toute sécurité avant de le retourner et le dévisser. Donc, la plupart des mélangeurs, des mixeurs vont fitter avec exactement l'ouverture du pot maçon. C'est vraiment génial. C'est un standard, les petits filets ouais, autour. Sont c'est vraiment génial. Parfait. Ensuite, si vous voulez faire un gâteau, mais que t'as pas d'œuf. Ouais. Ou que tu es allergique peut-être. Tu peux remplacer chaque œuf par un tiers de tasse de compote de pomme, un quart de tasse de yogourt ou une demi-madane écrasée. La texture, bien entendu, ne sera pas exactement la même, mais le gâteau va être réussi. Ben oui, c'est voilà. Cool, hein? Ensuite, je sais pas si tu te souviens, jadis, à la bouffe de la semaine, j'avais fait goûter des chips de pomme. Oui. Mais savais-tu que tu peux en faire très facilement maison? Ouh! Donc, c'est une délicieuse façon de savourer des pommes. Donc, pour ce faire, tu vas trancher 4 pommes avec une mandoline. Tu vas mélanger avec le jus d'un demi-citron. Tu peux saupoudrer de sucre et de cannelle si désiré. Tu vas étendre sur une plaque et cuire au four pendant 1 heure à 250 Fahrenheit. C'est pas haut, ça. C'est très, très peu de degrés, là. Non, c'est ça, c'est pas haut. Plus que ça dessèche, que ça cuise vraiment ouais. Là, intense. Là, on ne veut pas que ça devienne de la purée non plus. C'est comme le tiède très chaud de tantôt. C'est comme borderline exactement. Avant d'être chaud. Sinon, écoute, je l'ai pris aujourd'hui pour toi, Mathieu. Okay. J'ai un remède maison contre la congestion nasale et la toux. Donc, c'est une façon efficace de combattre la congestion nasale et la toux avec quelques ingrédients que vous avez sous la main. Peut-être pas toi, là, mais je peux t'en faire ça. Sous la main de quelqu'un d'autre. Merci, Stéphane. Donc, c'est un quart de cuillère à thé de poivre de Cayenne, une demi-cuillère à thé de gingembre en poudre, une cuillère à table de vinaigre de cidre de pomme, deux cuillères à table d'eau et une cuillère à thé de miel. Donc, tu vas dissoudre les épices dans le vinaigre et l'eau. Tu vas ajouter le miel et bien agiter. Tu prends une cuillère à thé au besoin. That's it. Plus facile que la recette que Chuck Tony nous a donnée dans une précédente chronique du Club plein air. Pas nécessairement plus facile. Moins mais... d'ingrédients, je crois. Non, je dirais qu'il y en a autant. Okay. Mais les deux, au pire. C'est quand même semblable. On a le poivre de Cayenne, le gingembre et le miel en commun. Ouais. Donc, je pense qu'on peut croire en ça. D'accord. Et finalement, pour conserver ses surplus de pâte de tomates. Donc, bien des recettes ne requièrent pas la totalité d'une boîte de pâte de tomates. Souvent, c'est une cuillère à soupe puis le reste de la petite canne. Donc, souvent, on va jeter les restants. On essaie de ne pas le faire. Donc, on essaie d'éviter le gaspillage parce que c'est... Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. Dans la vie de tous les jours, de l'arrêter d'acheter. Oui, au Québec, tout. Au Canada, ouais. Aux États-Unis, beaucoup en Amérique du Nord, c'est vraiment un très, très gros problème de gaspillage, alors qu'il y a des pays où ils vont manger tout ce qu'il y a sur l'animal, y compris les os. OK, il y en a vraiment qui vont manger les os. Donc, ça, je pense qu'il faut qu'on change ça. Donc, on essaie de ne pas jeter notre pâte de tomate. Donc, c'est déjà... Manger à la canne. C'est déjà un petit pas vers l'avant. Donc, c'est facile. Tu vas tout simplement étendre l'équivalent d'une cuillère à table de pâte de tomate sur une plaque recouverte de papier ciré ou parchemin. Tu vas mettre à congeler quelques heures. Et une fois que c'est gelé, tu vas tout simplement transférer les petites boules dans un sac de plastique que tu gardes au congélateur. Ah. Et le tour est joué. Donc, tu as une cuillère à soupe facile à portée de la main, déjà mesurée, c'est bon, congelée ça. Individuellement. Sinon, moi, je l'ai mis dans mes bacs à glaçons. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va sûrement fonctionner parce que je l'ai fait avec de l'avocat que j'ai mis en purée avec un peu de jus de citron. Et ça, on peut juste mettre ça dans des smoothies. Donc, tu mets juste un petit bloc de purée d'avocat. Ça te fait du Jugo Juice maison parce que ce qu'ils font chez Jugo Juice, des affaires en petits blocs préfaites dans des sacs. Vraiment une bonne idée. Donc, voilà pour conserver votre pâte de tomate. Merveilleux. Que de bons conseils, comme toujours, en fin de Master Steph. On fait Master Steph tous les mercredis à 9h à Assemblage Requis. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Salut Jeff Veilleux, ça va bien? Bonjour, bon lundi. Bonne journée, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui. Ben, j'avais hâte de te revoir là, pour avoir un peu de contenu dans ce show. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Ben, tout d'abord, les nouvelles internationales. Oui. La Catalogne qui va faire son référendum toujours le 9 novembre, mais malheureusement de manière symbolique. Le gouvernement majoritaire a décidé de plier à l'interdiction de Madrid, qui utilise la Constitution, on en avait discuté, là. Mm-hmm. Et puis finalement, c'est ça, ils se sont... ils ont plié le genou par terre, malheureusement. Ah, malheureusement. Oui. Personne n'était là pour les aider non plus. Non, c'est vrai. Et puis, on se souviendra que le 9 septembre dernier, c'était le jour national de la Catalogne. Et puis, il y a 1,8 million de personnes qui étaient descendues alors dans la rue pour réclamer ce droit à l'indépendance, dans le fond, ce droit de consulter la population. Mais Artur Mas, qui est le chef du gouvernement catalan, disait estimer que face à une grande vague, il est préférable de plonger pour ensuite ressortir et continuer à nager plutôt que de se laisser emporter. Okay. Fait que dans le fond, le débat est en train de se radicaliser. Ça se peut que, dans le fond, d'ici décembre, la Catalogne parte en élection référendaire, tout simplement, pour aller chercher le mandat de réaliser l'indépendance. Et ça, ça serait plus efficace, finalement, qu'un référendum. Pour l'instant, c'est vers ça que ça s'en vient. C'est leur plan. Oui. Puis il y a même les... Parce que, dans le fond, là-bas, il y a 4 partis indépendantistes. Okay. Et le plus radical, qui s'appelle Esquerra Republicana. Oui. Qui est de la gauche indépendantiste, dans le fond, qui prône carrément la désobéissance civile. Et c'est vers ce parti que la population est en train de se tourner. Oh, vraiment, okay. Pour hausser le ton. On est tanné de se faire dire non. On se rappellera que la Catalogne, c'est 7,4 millions d'habitants. Donc, c'est comparable au Québec. Et ils produisent le 1/5 de la richesse de l'Espagne. OK. Donc, c'est aussi comprenable pourquoi l'Espagne ne veut pas les laisser partir. Autant que le Québec fait 25 % du PIB mm-hmm. canadien et qu'ils ne veulent pas nous laisser partir. Mais, donc, le 9 novembre, il va quand même y avoir une consultation, même s'il y en a déjà eu une en 2009 puis en 2011, qui avait donné le oui gagnant. Mm-hmm. Mais là, après la prochaine étape symbolique, peut-être qu'il va, pour eux, va falloir aller un petit peu plus... être un petit peu plus... féroce. Oui, c'est ça, être un petit peu désobéissant, ouais. Peut-être. Il y a quelqu'un, un artiste qui disait « Il faut hurler un peu. Il est temps de hausser le ton. Le temps est venu pour le hurlement. » Ah, ben c'est ça. Ben, à un moment donné, c'est ce qui peut arriver parce que partout, justement, les États qui veulent garder l'unité mm-hmm. Emploient tous les moyens possibles pour... Mais à un moment donné, il faut falloir... comme tu dis, être désobéissant un petit peu parce ouais. que sinon, il n'y a rien qui va se passer. Là. Donc, à suivre le 9 novembre prochain mmh. pour ce Tout référendum. Fait. Et aujourd'hui, j'ai un invité avec moi. Oui. Je vous présente Jimmy Thibodeau, qui est un bonjour. Nouvel étudiant à l'université en philosophie. Mmh. Et puis, on discutait beaucoup de politique pendant la campagne électorale. On a eu des bons débats. On est souverainistes tous les deux. Et aujourd'hui, Jimmy vient nous faire une chronique sur le colonialisme. Excellent. Oui, alors tout à fait. Je pourrais peut-être commencer avec mon intro tout de suite. Moi, je voulais parler vraiment de la souveraineté du Québec en tant qu'étape de la décolonisation à travers le monde. Je trouve que c'est un angle assez intéressant et original qu'on occulte souvent dans le débat indépendantiste fédéraliste ici au Québec. Peut-être juste faire mon intro sur la décolonisation en général dans le monde. La décolonisation, c'est quoi? C'est vraiment une sorte d'émancipation des colonies, des nations face aux empires coloniaux. Ça a commencé avec la Révolution américaine, bien sûr, puis après, ça s'est vraiment accéléré de plus en plus. Entre autres, depuis 1945, on avait 112 pays à ce moment-là. Aujourd'hui, on en a près de 200. Donc, ça va vraiment très, très vite. Aujourd'hui, l'ONU reconnaît le droit à l'autodétermination. Beaucoup de pays ont fait leur indépendance, notamment l'Inde. Gandhi, c'était pour ça qu'il s'était battu, c'était pour faire l'indépendance de l'Inde face à l'Empire britannique. Des pays d'Afrique, entre autres au printemps érable, ce phénomène de printemps érable est une conséquence de la décolonisation aussi. Donc, c'est vraiment un phénomène très, très important et très d'actualité. Aussi, du côté des nations européennes, l'Écosse, la Catalogne, d'autres nations comme ça, sont en fait des nations européennes qui ont été assimilées ou annexées par d'autres nations européennes. Et on voit qu'ils se font entendre de plus en plus. Donc, la décolonisation, c'est loin d'être quelque chose du passé, quelque chose de fini. Et on voit encore aussi, il y a beaucoup de décolonisation, ça se fait, mais il y a aussi l'effet inverse, la colonisation, par exemple, Israël qui colonise la Palestine, malheureusement. Mais la tendance générale, c'est vraiment la décolonisation. Puis on le voit aussi au Québec avec 1980-1995. Ça aussi, c'est une histoire, c'est attaché à ça, avec le référendum, mais malheureusement, on a eu un échec un peu comme l'Écosse. Alors, c'est un peu ça pour mon intro sur la décolonisation. Mais en tant que tel, le Québec, pourquoi lui fait partie de ce mouvement de décolonisation-là? Bien, en fait, on peut dire que nous, on est un peu des colons colonisés nous-mêmes. On a été des colons, des francophones, des Français qui sont venus ici. On s'est fait coloniser par-dessus en 1760 par les Anglais. Donc, à la base, c'est une colonisation. On a essayé d'acquérir notre indépendance face aux Anglais avec la rébellion des Patriotes. Donc là, je suis en train vraiment de donner des bases historiques, de la base, là. Mais c'est ça quand même. Puis là, après la rébellion des Patriotes qui a échoué, c'est Lord Durham qui s'en vient et puis il se demande comment on ferait pour assimiler ces Québécois-là, ces Franco-Canadiens qui ne veulent pas, qui, ne veulent pas se soumettre. Alors, il y a l'Acte d'Union en 1840 qui dit, bon, ben, on va mettre la minorité francophone dans une majorité anglophone, ils vont se faire assimiler, ça n'a pas marché. Et 27 ans plus tard, on a quoi? On a le Canada, qui est vraiment une suite logique de l'Acte d'Union, finalement. C'est juste l'Acte d'Union, mais qui s'étend à travers d'autres colonies britanniques. Alors, voilà, c'est vraiment... on voit vraiment qu'il y a que c'est une colonisation et que le Canada est un peu une symbolique de colonisation. Et on le voit encore aujourd'hui. C'est pas une république ici au Canada, c'est une monarchie constitutionnelle. On est encore des sujets de la reine et tout. Donc là aussi, le débat sur la République du Québec devient aussi un enjeu de décolonisation à cet égard-là. Et je sais pas si, Jean-François, tu veux ajouter quelque chose par rapport au Québec et la décolonisation. Ben moi, c'est par rapport à la langue. Okay. Ma dernière chronique, je l'avais faite contre le franglais. Le franglais, oui. Qui est une manière, je pense, là, pour les Québécois, c'est un sentiment de coloniser, dans le fond, là, de toujours introduire des mots d'une langue étrangère dans sa propre langue. C'est une façon de se sortir de soi, de se refuser sa propre identité. Et là, il ne faut pas mélanger le franglais avec le joual. Mm-hmm. Le joual, c'est une déformation de mots qui existent déjà ou la création de mots nouveaux. Tandis que le franglais, c'est vraiment l'introduction d'une langue étrangère, surtout des « hot »,« cool »,« indeed », on entend tout le temps ça. Moi, je te dirais encore pire que ça, là, vous remarquerez sur vos Facebook, comment vos amis écrivent des statuts complets en anglais, je ne sais pas pour qui, mais ils disent « ah, mais c'est parce que j'ai des amis qui parlent anglais », puis est-ce que ces gens-là mettent des statuts en français parce qu'ils ont des amis qui parlent français? Sérieux, c'est vraiment un statut colonisé, comme tu dis. Puis moi, justement, je suis pour ça. Puis, tu sais, c'est parfait que les gens parlent plein de langues. C'est pas là le problème. Moi, je trouve qu'on devrait... Les gens à Montréal, il y a un anglophone dans une gang. On est 10. Tout le monde va se mettre à parler en anglais. Moi, je trouve que tout le monde devrait juste parler sa langue. L'anglais parlera en anglais, mais je vais te répondre en français. Ça devrait être comme ça. En Europe, il y a beaucoup de place. Souvent, tu vas être dans une soirée, ça va parler en plein de langues, mais les gens vont se répondre dans l'autre langue, qui se font poser une question. C'est normal, tu parles dans ce que tu es le plus à l'aise. Tu sais, je veux dire, tu peux pas aller dans une... Même si tu es bon en anglais, là, je te crois pas si tu me dis que tu peux aller loin dans ta conversation et dans ta pensée profonde. C'est impossible. C'est pas intrinsèquement lié à tes sentiments, puis tu peux pas aller loin. Fait que ça, c'est encore pire, je trouve, que l'utilisation. Mais c'est, le franglais, c'est pas. C'est quelque chose. Mais les gens sont rendus. C'est même plus franglais, c'est rendu anglais, tu sais, complètement. Ouais. Ça, moi, je trouve que c'est aberrant. Puis il y a des gens, on lui montre ça. Ah, ben non, mais. Puis ils se mentent. Ils s'en rendent même pas compte. Ben, puis eux autres, ils disent tout le temps qu'ils ont le côté vraiment, tu sais, harceleur, harcelé, là. Tu sais, ah, ben quand j'étais jeune, je connaissais pas l'anglais. À cette heure, je le sais, puis je le déploie, puis je. Non, je trouve c'est une façon vraiment, c'est un réflexe de coloniser total. Mm-hmm. Puis comme tu dis, ils s'en rendent même pas compte. En tout cas. Ah, tout à fait. Puis aussi, quand on voit quand les gens, supposons des francophones québécois qui font une conversation avec un anglophone, même si l'anglophone a des bases en français, va tout de suite changer pour l'anglais, comme pour l'accommoder. Ça aussi, on dirait que c'est un réflexe un peu de coloniser, où on n'est pas capable d'assumer qu'on a une langue commune. Et tout, c'est quand même, je pense que la souveraineté pourrait vraiment aider en ce sens-là pour montrer qu'on est vraiment un État francophone et que comme dans n'importe quel pays, à Rome, on fait comme les Romains, là, finalement. Mm-hmm. Oui. Puis c'est assez particulier, tantôt tu parlais de monarchie, je pense dans toute l'Amérique, il y a juste le Canada qui est encore accroché. Ouais. Tous les autres ont réussi à se libérer. En fait, 86% des pays dans le monde sont des républiques. Sont donc des pays où que la monarchie n'a plus de pouvoir politique, n'a plus de représentation comme officielle. Et puis, le Canada a quitté le Commonwealth seulement en 1933. Okay. Donc, ça fait même pas 100 ans que le Canada a eu son indépendance de l'Angleterre. Fait que déjà là, on a encore des séquelles de ça, là. Ben oui, parce qu'on est quand... Même si on l'a quitté, je veux dire, quand il y a des Olympiques du Commonwealth, on est dedans, là, je veux dire. On l'a quitté, mais on l'a pas quitté, tu sais. Ouais. Puis avant ça, dans le fond, le Canada a participé aux deux guerres mondiales parce qu'il soutenait l'impérialisme britannique, puis par son attachement à la monarchie. Mais si le Canada a eu son indépendance en 1933, au Québec, c'est vraiment plus récemment, c'est juste depuis les années 60, depuis qu'on s'est donné un État-providence et où que les fonctionnaires étaient des francophones, où que les patrons sont devenus des francophones, où que la langue des affaires est redevenue un peu plus le français. Fait que ça fait même pas 50 ou 60 ans que le Québec commence à se décoloniser du Canada. Mais là, ça repart de l'autre bord, c'est ce qui est en ce moment, je trouve. T'sais, on a réussi à se donner ça avec la loi 101, tout ça. Mais là, en ce moment, je trouve que c'est en train de retourner de l'autre bord parce que, justement, avant, à Montréal, tu pouvais juste parler en anglais. Je parle pas nous quand on était jeunes, mais plus vieux que ça. Ouais. Puis aujourd'hui, sérieusement, je suis retourné en fin de semaine ou la semaine passée. Puis sérieux, partout. Partout autant au marché. Puis, tu sais, d'avant, t'avais la rue Saint-Laurent qui était supposée de séparer les Anglais de l'autre. À l'est, mais c'est plus ça, là. Là, c'est Saint-Denis, puis même plus loin. Je veux dire, il y en a. C'est rendu anglophone, mur à mur, sérieusement. Puis c'est drôle parce que, justement, tu parles avec ces anglophones-là. Si t'es accueilli au pied du mur, la plupart parlent tout français, là. En tout cas, ils comprennent ça, c'est sûr. C'est une langue d'utilisation de Montréal, tout à fait. Mais j'aimerais revenir aussi sur le côté Révolution tranquille. Oui. C'est assez intéressant. Ça fait peut-être partie aussi du processus de décolonisation parce qu'avant 1960, on a eu la conscription, entre autres, qui, ça, en fait, c'est vraiment un signe de colonisation pur et simple. On a été dans les guerres mondiales alors qu'on ne voulait pas. Les Québécois se cachaient dans le bois. C'est un peu un stéréotype, mais c'est ça quand même. Et puis, ils ne voulaient pas y aller, puis ils ont été conscrits pour défendre la reine. C'est vraiment un signe de colonisation. En ce moment, puis on était aussi un peu le cheap labor jusqu'à 1960. On était le cheap labor du Canada. Mm-hmm. Encore une fois, c'est un peu une sorte de colonisation. Depuis 1960, on a quand même beaucoup d'acquis là, qu'on a quand même réussi à garder là, à cet égard. Là, mais je pense qu'avec la langue, l'anglicisation de Montréal, effectivement, la colonisation reprend ses droits, entre guillemets, d'une autre façon, effectivement. Il faut dire que la loi 101 a été attaquée aussi une centaine de fois par la Cour suprême. La loi 101 qu'on avait faite en 77, justement, pour intégrer les immigrants ou pour intégrer tous les anglophones ou les autres ethnies qui forment la nation québécoise. Puis là, à force de couper, à force de faire les écoles passerelles, à force de donner des passe-droits, puis le gouvernement fédéral qui ne donne pas l'exemple non plus en nommant des juges unilingues anglophones ou des... C'est le comble, finalement. Mm-hmm. Le Canada est supposé être un pays bilingue officiellement depuis 1969. Et puis, dans les faits, le français est devenu folklorique. On est en train de se faire louisianiser dans notre propre pays. Et ça, c'est très malheureux. Ben, c'est malheureux parce que justement, toutes les communautés francophones, il n'y en a presque plus. Il y a juste les vieux, les personnes qui sont vraiment âgées qui parlent en français. Les autres vont déblatérer quelques mots, mais tu sais, le gros accent anglophone qui passe par-dessus. Ça me fait penser beaucoup à la Louisiane, effectivement, mais quand on voit des franco-canadiens ailleurs que dans le Québec, les jeunes générations ont honte de parler français. C'est trop une langue de vieux. Ils ne veulent plus parler ça. Ça me fait penser un peu à la Louisiane, où là, on avait ceux qui parlaient français avant, et là, on a comme une sorte de Cajun, une autre génération qui parle Cajun, et là, après, on a ceux qui parlent juste anglais, qui ont honte de parler Cajun ou français. C'est comme trop... c'est trop arriéré, ou je sais pas trop. Mais c'est pas à mode, le français. C'est pas à mode, c'est ça. C'est pas à mode. C'est vraiment ça. Moi, c'est ce qui m'écoeure quand je te disais, je parlais des statues tantôt. Ça me fait penser, justement, au réflexe, quand on était jeune, on s'appelait Jack puis Joe, là, puis, tu sais, c'est plus hot. C'est plus hot de s'appeler avec des noms anglophones. Ah ouais. Je comprends pas. Ben, je comprends. C'est facile à comprendre, là, mais j'allume pas pourquoi ça reste dans la tête du monde, puis ils aiment ça. C'est le réflexe de coloniser. Mais je pense que c'est vraiment aussi question démographique et géographique. On est vraiment... On est minuscule. On est dans un océan anglophone. Donc, une mode de français pourrait difficilement arriver. Il y a tellement d'anglophones partout. On est vraiment encerclés, là. Oui, puis sur le web, c'est l'anglais... Partout. Puis aujourd'hui, c'est drôle, j'avais un top 10 des langues les plus parlées au monde, puis on n'est pas dedans. Tu sais. Non. C'est, ça fait en Europe, on est troisième ou quatrième. Oui, mais je parle français. Au monde, là. Ouais. En ce moment, on n'est même pas dans le top 10. Tu sais. Fait que c'est pas vendeur, genre. C'est c'est un peu triste, ça. Mais il faudrait justement, je lisais là-dessus, il faudrait vraiment avoir plus d'alliances en francophonie, puis il faudrait faire quelque chose avec les gens en Afrique, parce que là, en Afrique, c'est les seuls, c'est le plus gros bastion de francophones qu'il y a sur la planète, puis on s'en fout. On s'en occupe pas. Il faudrait qu'il y ait plus d'alliances, autant à la télé, tout ce qui est réseau de musique, d'art. Avec, on oublie les Africains. Là, eux, ils vont. Ça va faire pareil. Eux autres aussi, c'est le mandarin. Les Chinois rentrent beaucoup en Afrique. Ils vont gagner contre les anglophones, d'après moi. Mais si on veut avoir une petite passe, c'est des gens qu'il faudrait qu'on s'occupe. Puis il y a beaucoup de niveaux dans lesquels on pourrait aller les aider. Mm-hmm. Puis quand je dis nous, c'est pas nécessairement le Québec, c'est la francophonie au complet qui devrait, mettons, aller voir où est-ce que le bassin est là. Là mm-hmm. C'est ça, les liens entre les différents pays de la francophonie commencent à, on dirait, s'effriter, ouais. Ça. Mais on le voit aussi, en passant, juste une petite parenthèse avec Philippe Couillard. On dirait qu'il s'attaque vraiment au lien qu'on a avec la francophonie. Oui. Notamment, la nouvelle, il avait dit que peut-être il couperait l'aide financière aux étudiants français. Étrangers francophones, je pense, ou quelque chose comme ça. Oui. Mais je pense qu'il y avait un accord aussi entre la France et le Québec. Ouais. Et là, il voulait briser cet accord-là. Mm-hmm. Alors, on voit que des fois, on essaie aussi de couper ça chez les libéraux et c'est vraiment dommage parce que justement, il faut garder ces liens-là. Parce que à défaut de liens avec la francophonie, on a des liens avec le reste de l'Amérique du Nord qui est anglophone. Alors, puis on a beaucoup de traces de ce lien-là. Juste, je vois le clavier devant moi. Je pense que c'est un clavier américain et non français, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Ben puis c'est ça, je pense que les liens avec l'Amérique puis le monde anglophone, on n'a pas besoin d'y tisser. On est dedans, tu sais. C'est ça. T'as pas le choix. Puis justement, on comprend que la langue du marché, qu'on est capable d'avoir de gérer des affaires en anglais, il n'y a pas de mal là en tant que tel. Mm-hmm. Mais à l'interne ici, au Québec, ça... Quand c'est rendu qu'un artiste sur deux émergent chante en anglais... Il y a vraiment un problème. Il y a un problème, puis j'écoute pas, mais je sais que toutes les fois que j'entends une radio qui vient d'Énergie ou quelque chose du genre, même dans les tunes francophones, il y a un refrain en anglais à ce temps-là. c'est très, très souvent. Là, je comprends pas. Je veux dire, c'est comme... non. Et où la fierté, tu sais? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus de fierté, je pense. En tout cas, c'est un petit peu triste. Mais c'est le show business aussi, hein? Parce que si tu ne parles pas en anglais ou si tu ne chantes pas en anglais, tu ne fais pas d'argent, tu ne rejoins pas la masse américaine. Parce qu'ils ne veulent pas nécessairement... C'est rare, ceux qui s'intéressent vraiment à la musique francophone. Mm-hmm. Souvent, ils préfèrent les tunes anglaises. Là, comme ça, c'est plus compréhensible et tout. Il y a difficilement ce réflexe-là, vraiment, dans le milieu anglophone, de se tourner vers d'autres langues, en apprendre d'autres, parce que c'est tellement une langue hégémonique dans le monde. Il est où le besoin d'apprendre d'autres langues? C'est à peu près ça, en fait. Oui, puis avec l'anglais, si tu veux, avec quelques mots, tu peux réussir à te faire comprendre pareil. T'sais. Je veux dire, moi, je suis pas bon en anglais, j'ai pas peur de voyager puis d'aller me faire servir quand même. T'sais. Je pourrais pas rentrer dans des grandes discussions, mais c'est tellement simple, c'est tellement carré, c'est tellement... C'est niaiseux, là, dans le fond, l'anglais, un peu. Là, la façon... C'est sûr, tu peux être un grand littéraire anglophone, là, c'est une autre histoire, mais de te faire comprendre, c'est tellement facile qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas rien qui dit, ben non, pourquoi pas, on va aller vers le plus facile. Puis on est toujours, à l'ère du plus facile aussi. Hein. C'est toujours de faire ce qui est le plus simple, le plus facile. Pourquoi se casser la tête? Mais c'est triste, là. Ben, c'est comme triste. Comme je disais tantôt, chez les nouveaux artistes, il y a peut-être sur 10, là, il y en aurait peut-être 5 qui choisissent de chanter en anglais. Puis si je compare, ça c'est dans le rock et dans le pop, mais si je compare au milieu métal, il y en a juste 1 sur 10 qui va chanter en français. Tellement que la. Puis on les voit pas sortir souvent, ceux-là, quand même. Puis étrangement, c'est drôle parce que, tu sais, ici, c'est fou, on promouvoit la musique, tout ça. Et puis ça fait 2-3 semaines, je reçois des pubs, des francs ouvertes. On dirait qu'il manque de band. Il arrête pas d'envoyer, tu sais, comme, oubliez pas, vous avez jusqu'à telle date, puis annoncez-le. Puis, tu sais, s'il y avait tellement de band puis tellement d'offres, je pense pas qu'il y aurait besoin de faire une si grosse pub parce que tous les band veulent que ça marche à un moment donné leur affaire. Là, puis des concours comme les francs ouvertes. Moi, en tout cas, si j'avais un band là, tout de suite, je m'en ferais. Tu sais, je veux dire, bing bang, on en fait un, puis on s'inscrit. Mm-hmm. Ça fait une super visibilité. Ben non, fait que ça doit être qu'il y a un petit manque à quelque part là, dans des artistes francophones. Je vois aussi un autre effet pervers. D'ailleurs, on parlait du fait que chanter en anglais, c'est plus facile pour avoir un certain auditoire. Mais il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que l'auditoire va se tourner surtout vers les chansons qui sont anglaises ou américaines et tout, parce que c'est ceux qui sont le plus populaires. Mm-hmm. Donc, pour être populaire, on chante en anglais. Et les chansons anglaises deviennent plus populaires. C'est comme un peu un cercle vicieux. Mais en même temps, je trouve que c'est ridicule parce qu'ici, on a la chance de se démarquer. Tu sais, je veux dire, toi, on fait un band ensemble, les trois, là, puis on fait une toune en anglais. Je pense qu'aux États, il y a d'autres bands, puis dans le Canada anglais, puis à travers le monde, qui en font de la musique anglaise. Je pense qu'on a beaucoup plus de chances de se démarquer si on fait quelque chose en français. Puis il y a du monde qui vont chialer sur ce que je vais dire la prochaine fois, mais sérieusement, au Québec, pour avoir des subventions, avoir des trucs, t'es bien mieux de chanter en français, ça va être beaucoup beaucoup plus facile sur toi. Ouais. Il va y avoir beaucoup plus de monde qui vont t'appuyer, beaucoup plus de radios qui vont t'appuyer, puis ils vont être contents de te jouer bien plus de chances parce qu'ils n'ont pas beaucoup de stock. On reçoit tellement rien de bon, on en reçoit plein de merde, là, mais quelque chose de bon, que si c'est bon un peu, si tu te sors un peu du lot, on va te faire jouer, c'est clair, tu sais, je veux dire, c'est une chance en même temps, là, mais les gens la prennent pas parce que c'est pas mode, c'est pas la facilité. Ça fait penser à Elvis Graton, hein? Ben, c'est pour c'est revenir au portrait ça. Du colonisé, là, ouais. Parce que justement, Falardeau voulait démontrer un Québécois qui est tellement niaiseux, qui a mieux admiré la culture du pays d'à côté, qui serait fier d'être américain, puis que pour lui, c'est Elvis qui est le plus grand modèle. De tous les mais, temps. Pourtant, le public des Québécois, c'est des francophones. Avant de pogner dans le reste du Canada puis aux États-Unis, ben, tu chantes pour qui? Pour des Québécois. Mm-hmm. Puis au Québec, sur 8 millions, ben, y en a 7 qui parlent en français. Donc, il me semble, pour revenir à ton statut Facebook de tantôt, là, tes amis, là, majoritairement, ils sont-tu francophones ou ils sont anglophones? En tout cas. Tu sais, il me semble, la plupart sont français, fait qu'ils crient en français. Ça vient avec, là. Si tu veux te faire connaître, ben fais-toi connaître en français. Puis tu viens du Québec, d'un pays français. C'est dur à suivre, des fois, la logique... C'est vraiment une logique colonisée. On est vraiment dans un milieu anglais et on dirait on l'assume, on veut pas faire quelque chose, on veut pas se considérer comme une nation francophone à part entière ou je sais pas trop quoi. On dirait on est vraiment comme mixé dans le gros dans le nord américain, mais totalement, c'est particulier. Petit exemple, oui. Lisa Leblanc. Oui. Elle vient de sortir son deuxième album en anglais. Pour vrai? Oui. Mais pourtant, elle a pogné. Elle a perdu tout son charme. Ben oui. Elle a perdu sa spécificité. Puis elle a pogné, je veux dire. Ouais. Elle n'a pas eu de la misère. En tout cas, je comprends pas. Ouais. Ça, elle doit pas arriver. Elle doit avoir pas de misère à arriver. Là. Elle a fait des shows, on l'entendait partout. Puis il y avait des dates. En tout cas, je pense pas qu'elle vende plus d'albums au Québec. Là. Elle va bien voir au final là, quel album va être plus vendu dans le monde francophone. Là. Ben Gagnon, on l'a même pas reçu, je pense. OK. En tout cas, s'il est sorti. Oui, oui, ouais, supposé. Ouais. En tout cas, d'habitude, on reçoit pas mal tout. Ouais, fait qu'il a passé pas mal d'inaperçus. À moins que je l'ai vu, mais non. Pas section anglophone. Ben, c'est pour ça que je suis regardé dans la section anglophone. Ouais. Je sais pas. Ben, c'est malheureux. Il y a plein de choses malheureuses de ce temps-ci. Ouais. Ben, on va finir avec une bonne idée, un bon projet positif. Ouais. Ce dimanche, c'est l'opération Bélier qui va être lancée à Montréal. Donc ça, c'est une campagne nationale et permanente de porte-à-porte pour la promotion de l'indépendance du Québec. Okay. Ça a été créé il y a un an, en novembre 2013. Il y avait déjà une trentaine là, de citoyens, de militants indépendantistes qui sont associés au réseau Cap sur l'indépendance. Ça, c'est un réseau qui a été créé en 2009 dans le but là, de constater la nécessité et l'urgence de l'indépendance et d'en promouvoir le message. Et puis, depuis un an, ils ont cogné à plusieurs portes. Je vais te trouver le chiffre. À 2500 portes depuis un an. Et puis là, ce dimanche, ils vont lancer officiellement la campagne et l'opération Bélier va se tenir dans à peu près toutes les régions du Québec. Et même donc, c'est donner de l'information. Oui, exactement, okay. pour sensibiliser les citoyens parce que c'est pas à la télévision qu'ils vont en entendre parler. Surtout pas dans les journaux de GESCA et Power Corporation. Ouais. Donc, s'il n'y a personne qui parle d'indépendance, comment les citoyens peuvent être informés sur leur statut politique? Eh bien, c'est leur parler face à face. Bonne idée. Eh bien, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le réseau Cap sur l'indépendance. Okay. Si vous voulez faire du porte-à-porte vous autres même. Et puis, il va y avoir un spectacle d'organiser dimanche à Montréal. Ça s'appelle Entêté d'avenir. Et c'est avec Loco Locas, Alexandre Béliard et plusieurs autres. Et c'est au National. Donc, ce dimanche 26 octobre à 19h30. Et pour toute autre information, il faut visiter le réseau Cap sur l'indépendance. Et ça, on va en entendre de plus en plus parler. Là, tant mieux. Parce que cette opération Bélier, c'est la première édition. Et donc, il y en aura beaucoup d'autres. Et même qu'on veut, on peut juste faire une journée nationale de porte-à-porte, mais vraiment une campagne là, permanente, tous les jours, en bonne parler. Chose. Si tout le monde en parle... On va peut-être avancer ensemble puis se comprendre, là, parce qu'il y a encore pas mal trop de préjugés sur ça. Et ça fait peut-être partie d'un syndrome du colonialisme aussi, de croire que on est des porteurs d'eau. Puis avec ça aussi, ça laisse tomber le côté partisan du parti. C'est pas parti. Ce qu'ils veulent aussi. Ils se veulent apartisans. Ils veulent travailler avec tous les indépendantistes, peu importe leur parti politique. Et on dirait que l'opération Belli a plusieurs forces. Premièrement, que c'est vraiment un face-à-face qu'on fait la discussion. Donc, c'est vraiment un accès complètement direct. On passe outre les médias qui peuvent déformer le message ou changer son importance. Parce que quand un média parle d'indépendance ou d'un autre sujet, il décide de son importance dans le journal ou dans le bulletin de nouvelles. Il décide vraiment bien des choses. Tout à fait. Avec les médias, un message peut être complètement déformé ou dilué. Mais alors que l'opération Belli, c'est vraiment un message direct à la population. C'est un accès direct à lui. C'est vraiment formidable comme opération, d'après moi. Ouais. Puis pour l'instant, comme je disais, ils ont fait un an d'essai à Montréal. Oui. Et puis, il y a 300 noms qui ont été recueillis déjà. Donc, 300 personnes qui veulent s'investir dans la cause. Okay. Plusieurs sympathisants. C'est quand même bien. 300 sur 2000 portes. Oui, oui, tout à fait. Puis, il y a 500 qui ont été ramassés aussi déjà. Et puis, comme tu disais tantôt, c'est apartisan comme mouvement parce que, selon eux, ils sont convaincus que la question nationale, loin d'être seulement l'affaire des partis politiques, concerne surtout l'ensemble du peuple du Québec qui a droit à sa liberté collective et à la maîtrise de son destin. Donc, le réseau fait des rassemblements, des conférences, des marches pour l'indépendance. Ils ont même une web télé citoyenne. Ils font des soirées festives et des opérations de terrain qui commencent ce dimanche. Donc, à suivre sur vos écrans. C'est bon, on mettra des liens partout puis tu m'enverras ça aussi, pas de problème. On va propager la bonne nouvelle. Donc, l'opération Bélier. Yes, en tout cas, j'aimerais ça qu'on se parle puis qu'on ait tout le temps quoi de positif à dire. Justement, tu as écouté Justin hier. Le vide intersidéral. Hey, c'était hallucinant. Hein? Il y a de la misère à faire une phrase sans faire Il pensait complète, là. Oui, mais il pensait à chaque mot avant de c'est le dire. Oui, c'est ça. C'était épeurant. Moi, je pense qu'il a perdu des plumes hier. Vraiment, sérieux. Moi, je m'attendais à le voir, puis tu sais, ils vont pogner des galons. Ouais, mais il n'est pas prêt pour être premier ministre, là. Vraiment pas. Mais là, c'est épeurant, ça, par exemple. Pas parce que je le veux, mais parce que si ça divise encore les votes entre les oranges puis les rouges, ben moi, je veux tout sauf Harper, là, tu sais. On aura l'occasion d'en reparler à la prochaine campagne électorale fédérale, qui, d'ailleurs, qui est commencée. Si un an maximum, c'est là. C'est ça qui est commencé, moi, un je an moins. Et puis, sinon, il y a la course à chefferie qui a été lancée. Oui. Et ça, on aura l'occasion de refaire une émission. Bernard a lancé son appel. Oui, c'est le deuxième à lancer sa candidature après la belle Martine Ouellette, qui est ma préférée. Option nationale aussi, qui aimerait soutenir, supporter un chef qui se dirait clairement pour un référendum en premier mandat. Oui. Ça aussi, c'est à suivre. C'est à suivre. J'ai hâte de voir ça. Ah, on va voir tout ça. Pécopé qui écrit plein d'affaires aussi. Oui, oui. Il est le fun à suivre sur son Facebook. Je le suis à cette heure depuis quelques semaines. Mm-hmm. Puis vraiment, il se défend bien. Il est brillant. Mm-hmm. Tu sais, il n'est pas millionnaire pour rien, le gars. Puis il sait ce qui s'en va, sérieux. Puis il ne fait pas peur pour rien. T'sais. Il fait peur aux autres, c'est sûr. Pourtant, je suis tellement... On n'est pas des allégeances idéologiques de M. Péladeau. Non. Mais sur plein de choses... Oui. Mais au moins, il se tient debout, puis il fait la promotion du pays. Exactement. C'est sa raison d'être en politique, en fait, en plus. Là. C'est pour ça. J'allais dire optimiste, mais c'est pas ça. Par contre, un opportuniste. C'est pas un opportuniste, puis il est pas là non plus pour se faire voir, puis ni pour faire de l'argent. T'sais. On s'entend tout de suite. Là, t'sais. En tout cas, moi, c'est. Puis il y a quelqu'un qui disait sur les réseaux sociaux, pour finir là-dessus, sur Pécopé, j'aime mieux premier ministre qui possède une entreprise de presse qu'une entreprise de presse qui possède un premier ministre, comme c'est le cas avec M. Couillard, qui est à la solde de l'unité canadienne. Et là, nouveau mantra, c'est le pipeline comme façon d'unifier le Canada dans une nouvelle aventure dégueulasse. C'est atroce, là. C'est ce qu'ils font en ce moment. Là. On dirait que c'est juste des pieds dans la bouche avec d'autres pieds dans la bouche. Il n'y a rien qui se tient. Mais le porte-parole aussi de TransCanada, vous saviez aussi que c'était un ancien libéral. Ouais. Ils ont des tentacules partout. C'est vraiment incroyable. C'est assez particulier. C'est quasiment, on peut parler de collusion entre le milieu des affaires et le Parti libéral. Là, c'est vraiment, c'est assez épouvantable. Mais c'était supposé de servir à ça, la commission Charbonneau. Finalement, il n'y a aucun ex-premier ministre qui est passé là. Jean Charest, il aurait dû être appelé à passer devant cette commission. Puis non, on l'a pas fait. Il était à part. Il y a. Il y a magouille sur roche quand on parle du Parti libéral, le Parti lobbying du Québec. Ouais, c'est ça. Et sur ce, je vous invite à une chanson de Mononcle Serge, encore une fois, sur l'album Serge Blanc d'Amérique. Et c'est une chanson qui s'intitule cette fois Fédéraliste, tout simplement, parce que les fédéralistes croient que c'est. Que notre avenir est dans le Canada et j'ai bien peur qu'ils font fausse route et qu'ils devront se rendre à l'évidence. Tous unis par un pipeline. Ouais, mais le Québec n'a plus sa place dans le Canada. C'est vraiment pas. C'est hallucinant. T'sais, partout, mettons, si on revient au pipeline, partout, c'est non. Aux États-Unis même, partout. Ouais, les États-Unis ont dit non. Ah, ben oui, puis faut sauver les arbres, des arbres vierges puis des forêts. Ben il a dit Justin hier. Puis notre fleuve Saint-Laurent, c'est pas grave ici. Autres. Non, on s'en sac. Bon, merci les gars, on se rejase lundi prochain. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? On va aller écouter Fédéraliste avec mon oncle Serge. Faut être fédéraliste quand on veut faire le bien, être de ceux qui bâtissent contre ceux qui fuckent le chien. Il faut être fédéraliste, il faut semer l'espérance, dégouliner de justice, exuder la tolérance. Il faut être fédéraliste quand on voit un peu amer que tant de frontières existent et nous séparent de nos frères. Ces barrières sont injustes, elles nous briment, alors pourquoi en dresser une de plus là où il n'y en a pas? Il faut être fédéraliste, prendre exemple sur l'oiseau qui s'envole à Ottawa et se pose à Gatineau sous un soleil fédéraliste qui fait darder ses rayons de la rivière Saint-Maurice au désert long du Yukon. Il faut être fédéraliste, il faut embrasser l'azur, il faut tendre vers le zénith plutôt qu'ériger des murs. Il faut être fédéraliste, chevalier de la lumière, pourfendeur du despotisme, du racisme et de la guerre. Il faut être fédéraliste pour bien d'autres raisons encore, pour le fromage des trappistes, pour la dent blanche du castor, pour le roseau qui résiste, pour la majesté des fions, pour les cèpes et les abysses. Il faut être fédéraliste, il faut être fédéraliste. Mais moi je suis séparatiste. Fédéraliste pour les buts de Wayne Gretzky, pour la glace qui devient lisse lorsque passe la Zamboni, pour les ciments qui durcissent, pour la force marémotrice, pour les bisons qui mugissent, les érables qui rougissent. Il faut être fédéraliste. De sujets divers. C'est fou, 89.1. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Sur l'échelle de gradation, t'as froid, froid, t'as chaud, au milieu t'as tiède. OK? Ouais. Et t'as un éventail à gauche et à droite du tiède. Super tiède. Fait que t'as tiède bémol puis tiède dièse. C'est ça. Majeur, mineur. T'sais, différentes teintes de nuances de gris. C'est ça. Donc, on s'expliquait l'eau chaude parce que ça, c'est des choses scientifiques. Non, ça marche pas avec l'eau chaude, ça marche juste avec le café. Le café, il peut être soit sacre chaud, sacre froid ou super tiède. Sacre bleu. Tiède. Ça, sacre bleu. Est-ce que c'est comme whooping, ça? C'est notre nouveau... Whooping show. C'est comme... Whooping show. On remplace effing comme le mot... Effing, comme whooping. On remplace par whooping depuis hier. Steph, elle a vu ça dans un article. Whooping, c'était toujours devant... Oh, je l'ai faite, celle-là aussi. Ou whooping cushion aussi, comme un coussin à pète. Un whooping cushion, ben oui. J'ai déjà fait le truc à mon directeur de mon école à un moment donné. Monsieur Giroux? Non, c'était... Son nom, c'était Anthony Iannicello. Anthony Iannicello. On le salue s'il est à l'écoute. C'est comme Kenny G, mais mélangé avec Annette Funicello, l'actrice. Kenny G, hein? Non-stop. Mm-hmm. Radio. Connaissez pas vos succès, ouais, là, on a peut-être pas réagi. Pas posé de questions non plus. Mm. Arrêtez de poser des questions, puis pertinent, hein? Ouais, Justine Pertine, mettons. Cette chanson-là me fait sentir un peu comme dans un épisode de Mario, là, sous la mer. Mario sous Drunk Mario. Le jeu où tu bois de la vodka pure. Mario 1, Mario 2, Mario 3, Mario World et Mario sous. C'est là qu'il rencontre Yoshi. Hein? Absolument. Non, c'est Mario Mushroom. Ah, c'est champignon. C'est drôle, Mario Shroom. Alors aujourd'hui, à Justine Pertine, votre chronique mensuel, pas bisexuel, bimensuel, où je vous apprends des petits faits scientifiques, je vous explique les choses de la vie accompagnées de musique. Cette semaine, on va parler de couleurs. La semaine dernière, on avait parlé de la Voie lactée. Hein? C'est vrai. Le compteur du nombre de fois que tu as dit Voie lactée était dans les 200, je crois, à ce moment-là. 175. Tu t'approches, par exemple. Et la semaine d'avant, la première chronique, c'était au sujet des feuilles de l'automne, tout ça qui tombe. Je suis revenue un petit peu dans le même thème. Cette semaine, on va parler de couleurs, ou en ce moment, dans les arbres, l'absence de. Je pense que. Oh, c'est bon. Mais je pense que dans Mario Sous. Il y avait ça des couleurs aussi. Des couleurs? Ah, c'est sûr qu'il y avait pas mal de couleurs. Faut que t'en bois pas mal, effectivement, pour être sous. Non, je suis pas d'accord. Moi, ma première cuite, disons, c'était avec un couleur. Genre, un couleur. C'était littéralement un couleur. J'ai été sous jusqu'au lendemain matin. Wow. Genre de 11h le soir à 11h le lendemain matin. Tu devais être faible comme personne quand t'as bu ça. J'étais faible comme personne. Non, pas tant. Mais bref, ce fut des beaux souvenirs. Les couleurs, ils viennent en toutes sortes de couleurs. Et si on revient à notre chameau, c'est ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans le fond, c'est quoi la couleur? La définition, là, plate et simple, c'est tout simplement la perception visuelle, pardon, de la répartition spectrale de la lumière visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça brise la magie, je trouve. Ça brise la magie. Je vais vous faire un petit quiz. C'est quoi le nom de toutes les couleurs de la lumière visible? Vite de même. Hein? Tous ensemble? Le cercle chromatique. Ouais. Non, mais c'est quoi le nom de chacune des couleurs? Comment le nom de toutes les couleurs visibles? T'as du jaune, t'as du... Oui, t'en as un. Okay. Si bol, ça va pas bien. Le vert. Oui, t'en as deux. OK. Le bleu. Oui. Le rouge. Oui. attends un peu. Come on, man. Qu'est-ce qui manque? Il en manque genre trois. Non, moi, je te regarde puis j'attends. Je vais vous donner un truc pour ça. Okay? Ça va aller vite de même. Okay. Quitte à perdre du temps comme ça, là, je vais vous dire... Le mot suivant, Roy G. Biv. C'est le nom de ton professeur, ça, je pense. Rouge, orange, Y, c'est pour jaune, G pour vert, donc green, B pour bleu, I pour indigo, puis V pour violet. Donc, Roy G. Biv. J'allais dire un mauve, mais je savais pas lequel. Moi, dans ma tête, orange, c'était comme juste le mélange de rouge puis de jaune. C'était comme, ben oui, puis le vert, c'est quoi? C'est ça, un mélange. Ouais, c'est un mélange de bleu puis de jaune. Mais dans ma tête, ça marchait. Mais à chaque fois que vous allez hésiter, que vous allez être un show télévisé ou ce qui vous demande une question de genre maternelle et que vous ne l'avez pas, pensez à Roy G. Biv. Mais essentiellement, toutes ces couleurs-là se situent dans ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. La lumière visible. Oui, l'arc-en-ciel. l'arc-en-ciel. Mais c'est la couleur du drapeau gris. Mais dans le drapeau gris, il n'y a pas Indigo, par exemple. Il y a juste un Roy G. Mais comment ça, il n'y a pas l'Indigo? Les Indigo Girls, là, sont pas lesbiennes, ça? Ça se peut bien. Je sais qu'il n'aime pas George Bush, mais c'est pas grave. Bref, physiquement, si on parle de la lumière visible, c'est quoi? C'est la partie du spectre électromagnétique que l'être humain voit, dans le fond. Donc, c'est quoi le spectre électromagnétique? Bon, on sait que la lumière, c'est un photon. Puis le photon, dépendamment de quelle longueur d'onde il vibre, on peut soit le voir, soit le pas voir. S'il vibre trop vite, on est dans les ondes gamma. Fait que, dans le fond, explosion atomique, ça va avoir un paquet d'affaires, dont des ondes gamma. Puis si c'est trop vague, donc si la longueur d'onde est beaucoup trop longue, mais là, on est plus de l'ordre des ondes radio, comme en ce moment, ou des ondes micro-ondes, des ondes infrarouges aussi, qu'on ne peut pas voir. Celle qu'on va voir, c'est essentiellement les longueurs d'onde qui se situent entre... à peu près 300 et 700 nanomètres. Donc, là, il est capable de capter eux autres. Le maximum que nous autres, on peut voir en tant qu'être humain, c'est dans les alentours de 540 nanomètres, donc dans le vert. Donc, la couleur qu'on est conçu pour voir, c'est le vert, okay. Le plus. Et vite de même, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on voit les choses colorées? Parce qu'on s'entend que, je veux dire, mon vêtement ne m'envoie pas de lumière. Hein, non. Essentiellement, je suis pas comme des flashlights. Je suis pas Peter Gabriel, moi, là, dans un... j'ai pas un genre du linge qui est incandescent, essentiellement. Donc, essentiellement, c'est que la majorité des objets sont colorés parce qu'ils reflètent la lumière visible. Donc, disons qu'il fait jour, il y a de la lumière, ou bien je suis dans un studio obscur, il y a des néons au plafond, ça crée de la lumière et ces photons-là, donc la lumière, va être reflétée ou absorbée par la matière, c'est-à-dire les objets, le chandail que je porte, mes yeux, etc., etc. Donc, la longueur d'onde de la lumière qui est reflétée est la couleur que l'on verra. À l'inverse, la lumière qui est absorbée par l'objet, c'est la couleur qu'on ne verra pas. Donc, rapidement, comme ça, on peut dire qu'un chandail noir, ça l'absorbe tout. Un chandail blanc, ça reflète tout. Puis, admettons, un chandail jaune, ça va absorber tout, sauf le jaune. Donc, le jaune, ça va être ce qui va être envoyé à nos yeux. Puis, un chandail jaune, vert, kaki, ben, ça l'envoie à une coupe de couleurs lettres. Hein? Ça va absorber tout, sauf ce qui est lettre. Ne portez pas ça, s'il vous plaît. Hein? Et voilà, donc c'est pourquoi certaines longueurs d'onde sont absorbées et d'autres reflétées. C'est au niveau de la composition chimique des objets que l'on peut voir une distinction de cette absorption-là ou de cette réflexion-là. Donc la matière est composée de molécules. Hein? Est-ce que j'espère que je ne vais pas trop loin dans mon concept vulgarisé. Des molécules, c'est l'espèce de genre du carbone, des affaires de même, tout assemblé ensemble, qui font des espèces de structures qui font en sorte qu'on se tient ensemble. Et eux autres sont constitués de noyaux et d'électrons. Puis des électrons, eux autres, ils ont la capacité d'absorber de l'énergie. Des photons, c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc, quand il y a de la lumière qui est envoyée sur, disons, mon chandail qui est noir, mon chandail contient des pigments qui est capable de tout absorber la lumière. Tandis que le chandail, par exemple, à Mathieu, qui est principalement du blanc. Là, je ne parlerai pas des autres couleurs parce que c'est assez funky comme chandail, Colin, mon petit Versace. Donc, son chandail qui est blanc contient des molécules qui ne sont absolument pas capables d'absorber l'énergie des photons. Et c'est pour ça qu'on est capable de... trop d'énergie, t'sais. Voilà. C'est la structure des molécules qui va déterminer ça. Mais saviez-vous que les photons, quand ils sont absorbés, mettons, dans un chandail noir, sont plus souvent qu'autrement transmis en chaleur? Fait que l'énergie de, disons, ton photon qui vibre à une certaine longueur d'onde va être transformée en chaleur. Fait que c'est pour ça que quand on a un chandail noir, l'été, au Caire, ben il fait chaud. Au Caire. Voilà, sur notre dromadaire. Sur notre dromadaire au Caire, en chandail noir de genre Slipknot. Hein? C'est précis comme... Quant à la biologie de la vision, c'est quoi ça? Pourquoi qu'on voit des couleurs? Parce qu'on pourrait comme être comme un chien puis voir que du blanc et noir, mais je pense que les chiens voient que blanc et noir. Je connais pas la biologie du chien. C'est la biologie canine, ça ne m'intéresse pas. C'est le sens qui perçoit la couleur, c'est la vue, bien entendu, mais en particulier, les cellules qui en sont responsables sont les cônes de la rétine située au fond de l'œil. Donc, au fond de l'œil, on a une espèce de papier peint rouge. C'est la rétine et rouge, en fait, juste parce que c'est les vaisseaux sanguins qui colorent notre rétine rouge. Donc, quand on prend une photo, c'est pour ça qu'on a les yeux rouges. Oui, c'est pour ça qu'on a les yeux rouges, pas bien beau. Lapins aussi? Les lapins aussi, eux autres, je pense que c'est à cause qu'ils n'ont pas d'iris, ça se peut-tu? Bref, ouais, ils n'ont pas l'espèce qu'on voit le fond de l'œil. On voit pas mal. Les yeux rouges. Oui, ils sont pas beaux. Ben. Fait que les cellules qu'on a dans le fond de l'œil, c'est... C'est Mathieu, pas fin, pas ça. Sont beaux, les lapins. Oui, mais pas les yeux. Ils ont l'air un peu killer. C'est hot. Whooping killer. Et donc, dans le fond de l'œil, ces cônes-là sont capables d'absorber différentes longueurs d'onde, dépendamment de leur longueur. Donc, il y a des cônes petits, moyens, grands. Il y a des cônes gaufrés aussi, ça, c'est le meilleur. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de compte gaufré. Comme fouetter un peu. Il n'y a pas de compte gaufré. Donc, il y a les comptes qui sont capables de capter le bleu, d'autres le vert et d'autres le rouge. Et essentiellement, ça, c'est contrairement aux bâtonnets, ça, c'est d'autres types de cellules qu'eux autres ne perçoivent pas les longueurs d'onde de la lumière, mais plus les intensités de lumière, fait que plus ou moins de photons, et non pas la fréquence à laquelle un photon vibre. Et c'est pas mal ça pour un résumé très bref des couleurs, parce que je pourrais en parler pendant super longtemps. Mais allons en musique avec des chansons qui commencent par des noms de couleurs que j'aime donc bien. La première étant Yellow de Coldplay qui a joué dans Boyhood. Première chanson de Boyhood. Lance-moi ça, Mathieu, Colin. Je te lance ça à l'instant dans ta face. Ah, Justine ouais. Pertine avec Yellow. Attrape-moi ça. Ouch. Whooping. all the things that you do. Ooh. absences. Absent la foi des peines d'amour, pas à la foi de quelques bonheurs. Tous mes amis se vengent-ils en cœur? Si j'avais su que ma suffisance mêle en silence me foutrait la paix à jamais, vous m'auriez sur les talons aujourd'hui. Ciel ouvert fait de lui un repère. Mes yeux fondent un reflet qui projette moi des faits. Si le ciel fait une éclaircie, je te jure à faire des envieux. Je me lance dans le bleu. Le ciel ouvert fait de lui un repère. Mes yeux C'était Projection dans le bleu de Daniel Bélanger. Je t'en supplie. Il me coupe. Plus rien ni personne. La parole. Pour moi, me sonne. Quelle douce chanson au sujet de quelqu'un qui veut s'enlever la vie. Ah, c'est donc bien triste à matin. Ma sélection était peut-être pas judicieuse, mais c'est pas grave. Il y avait le mot bleu dedans. Et juste avant, on entendait Green Gloves de The National, qui a le mot vert. Mm-hmm. Et juste avant, Yellow de Coldplay, qui est vraiment une chanson beaucoup plus enjouée. Fait que si vous voulez, faites juste vous souvenir de la première. Alors, on parlait, bien entendu, à ma chronique. Ah, ça fait longtemps que c'est pas arrivé sur un micro. Ça fait longtemps. Donc, on parle couleur. Ma vie défilée devant mes yeux. À ma chronique, Justine Pertine, que je pense que le micro, il est comme genre, bon, là, sac ton camp. C'est pas grave. Donc, les couleurs, cette semaine, Justine, c'est ton sujet. Je peux repasser. Oui, c'est mon sujet, puis ça finit là. Il y a des comptes dans le fond des yeux. Vous allez avoir un quiz hein, à la fin de l'année pour tous les sujets que j'ai discutés d'ordre scientifique et non scientifique. J'ai pris des notes à avoir su. Hein. Il y a Laurent qui s'est joint à nous, puis j'aimerais ça lui poser une question à Laurent, moi. J'écoute. C'est quoi les couleurs de l'arc-en-ciel? Parce que tout à l'heure, j'ai apparemment mal formulé ma question. C'était c'est quoi les couleurs? Si tu m'avais dit c'est quoi les couleurs de l'arc-en-ciel, là, je les aurais nommées. Bleu, poudre, bleu, bébé, jaune, canari, saumon, vermeil, ocre. Ocre! Donc, je vais essayer. D'accord, vas-y. Donc, on pourrait dire le bleu. Il y en a une. Le vert. Il y en a une, deux. Je sais pas compter. Le jaune. Oui. Orange. Oui. Rouge. Oui. Let's go. Oui, Mathieu. Là, je suis rendu à 6, là. T'en manques une. Il m'en manque une. T'aurais dû tomber dans l'ordre. Il n'y a pas de rose? Non. Mais t'es pas loin, par exemple. C'est l'autre couleur plus féminine, mettons. Rose beef. Non. Mais 20 ans, non. Ah, c'est rouge. Ça, c'est une couleur primaire. Non, c'est pas rouge. J'ai déjà dit rouge. Oui, il a dit rouge. Il a déjà dit. Non, il a dit magenta. Oui, mais c'est pas mal rouge. Ouais. Ah, ouais, ouais. Ben. On dirait que je m'appris, tout le monde regarde. Hey, Laurent, il y a juste une couleur, là, c'est évident. Denis, hein, c'est évident. C'est aussi le nom d'une fleur. Lila. T'es proche. Violet. Marguerite. Ah, je suis pas mot violet, Indigo. C'est la même affaire, ouais. Mauve. Ouais, c'est ça. Ah, non, Indigo, c'est comme plus bleu, le violet, c'est comme mauve, là. Moi, j'aime ça, le violet, là. Pas si féminin que ça. OK, je pense que c'est la même chose. C'est pas si féminin que ça. C'est pour ça que j'ai fait attention. Là. C'est comme Barney. C'est une belle bouteille d'eau. Là. Ouais. Ah non, mais plus puis mauve, mon sac. Là. Puis mon sac. Ouais. Ça, c'est violet. Ça, c'est violet. Violet, le sac à dos. Ouais. Puis, bon. Ouais. Et voilà, c'était. Si vous avez juste à vous souvenir d'un enfant là, de ma chronique, là, Roy G. Biv. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Mais en anglais, tu sais. En anglais. En plus, faut être bilingue. En plus. Trouve-nous un acronyme en français puis reviens-nous là-dessus, OK? Rog V. Biv. Mais qui dit les premières lettres des couleurs en français, genre. Ben oui, c'est ça. Rog. Bien à dire. C'est ça? V. Biv. Rog V. Biv. Allons, c'est pour ça. Rog V. Biv. C'est ça? T'es sûr, c'est pas Rog Papier Ciseaux? Y par un J. Ah! C'est pas pire, hein? C'est très bon, ça. Justine, on te retrouve dans deux semaines. Oui, on me retrouve parce que je m'en vais me perdre. Oui, dans deux semaines pour nous chroniquer Justine Pertine. Oui. C'est tous les jeudis à. Tous les deux jeudis. Deux jeudis. Oh, à quelle heure? À 8 heures. 8 heures quoi? 8 heures. 0 minutes. Oui, 8h00. 8h00 minutes. Ah oui, si, si. Si, senior. Si, senior. Merci, Juice. Merci, Geppetto. Geppetto. Chewbacca. Chewbacca aussi, ça fait. Pas vraiment. C'est vrai qu'il est poilu aujourd'hui. Poil facial, là. Des fois aussi, quand il s'exprime. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Bonjour Michel, ça va bien? Ben certain, mais ami, que ça va. Yes, un petit bout qu'on s'est vu, là, je suis content de te voir. Ben, ça fait 3 semaines, la semaine passée, j'étais sur le dos, qu'est-ce que tu veux? Hey, on comprend ça très, très bien. Hein? C'est l'automne en plus, c'est plus grisonnant, manque de lumière. Un rhume d'aplomb. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut faire en fin de semaine? Bon. Et autres, là, pas juste en fin de semaine. C'est surprenamment, parce que je dis surprenamment, parce que le théâtre, tu peux pas dire qu'il y en a beaucoup, mais cette semaine, bon, il y en a place trois. Trois théâtres, trois pièces. Je vais commencer avec une pièce à la salle J. Antonio Thompson, le 4 novembre. C'est le Théâtre du Nouveau Monde, le TNM, qui vient. Avec la pièce « Being at home with Claude ». Je ne sais pas si c'est un titre qui te rappelle quelque chose. Oui, c'est un film à la base qu'on avait vu il y a quelques années. Avec Roy Dupuis. Ouais. Et c'est un texte de René-Daniel Dubois. Puis les deux acteurs principaux, parce que c'est un peu un duo, il y a quelques acteurs secondaires. Mais donc, j'avais été approché, j'avais joué dans une pièce là, très longtemps. J'avais monté ça. C'est pas moi qui l'avais monté, mais j'avais joué dedans. Et c'est avec Marc Bellin puis Benoît McGuinness. C'est un texte, en fait, qui bouleverse toujours autant 30 ans après sa création. Ça fait quand même 30 ans. C'est un trailer, en fait. C'est que les 80... on nous présente, en fait, les 80 dernières minutes d'un interrogatoire qui dure, en fait, depuis 35 heures. Fait que tu peux t'imaginer la pression qui se passe, là. Ça fait 35 heures qu'il se fait... Oui, il y a une histoire, c'est ça, de meurtre. C'est ça. C'est l'histoire, en fait, d'un prostitué qui, après s'être enfermé dans le bureau d'un juge, et il s'accuse lui-même d'un meurtre. OK. Puis c'est un inspecteur qui tente de lui faire cracher là, tous les motifs de son crime. Fait que, en fait, René-Daniel Dubois a voulu garder intact et pur les instants où l'amour nous fait goûter à l'éternité. Autrement dit, lui, il a... L'histoire, c'est un peu... Il a tué le gars au moment d'un extase amoureux, le total, là, c'était le... Et le top, il pouvait pas aller plus haut. Puis lui, dans sa tête, ça a fait que... Il pouvait pas le garder plus loin, cet amour-là, puis il pouvait pas le faire entrer dans la vraie vie, sinon il serait disparu, tu sais. OK. Fait que il l'a tué à sa place. OK. Fait que, en fait, on voit le duel exceptionnel entre les deux acteurs, le prostitué et le... Voyons. Le client? Non. L'inspecteur. OK, l'inspecteur de police, exact. OK, c'est le duel, tu veux dire, de... Ouais, verbal. Verbal, ouais, exact. Parce que là, moi, j'étais là, je pensais qu'on voyait. Non. C'était le côté... Duel émotif. OK, non. Parfait. Donc, ça, c'est la salle Jean Antonio Thompson, le 4 novembre. Le 4 novembre le au soir. Le 4 novembre au soir. Ensuite, on a Midsummer. OK. Isabelle Blix joue là-dedans. Exactement, une pièce avec 9 chansons là-dedans. C'est le 24 octobre au Centre des arts de Shawinigan. C'est le théâtre de la Manufacture de Montréal qui monte ça. Isabelle Blais, Borderline, qui a joué Borderline dans ces derniers temps. Et c'est Pierre-Luc Briand qui joue avec lui. Il jouait dans Crazy. Oui. Un petit potin, ils sont en couple maintenant. Oh! Petit potin. Je fais de la musique avec Isabelle en ce moment. Bon. Oui. Dans le cadre de son groupe ou... Non, justement, dans le cadre de d'autres projets. Là. Okay. Isabelle, on travaille sur quelque chose à distance en ce moment. Bon. On s'envoie des trames, elle m'envoie des voix. On travaille sur quelque chose. Fait que tu devais être au courant des potins. Ben, j'avais entendu parler, mais moi, on parle pas de ça. On parle vraiment juste de musique, moi et Isabelle. On a déjà été en couple, moi et Isabelle. Ça, fait que, on a laissé, les les histoires de couple, c'est avant. Maintenant, on parle plus d'art. Donc, c'est une comédie c'est une comédie assez grinçante qui se passe à Édimbourg. En fait, c'est deux hommes essolés qui attendent dans un bar que quelque chose se passe. OK. Lui, c'est un vendeur d'auto raté. Puis elle, c'est une grande avocate spécialisée dans les causes de divorce, mais qui a un appétit assez prononcé pour les maris des autres. Ah, OK, elle a la cuisse légère. Exact. Mais dans le fond, ils sont tellement pas faits pour aller ensemble, ils devraient pas coucher ensemble, mais évidemment, c'est mm-hmm. ça qui va arriver. Et là, ça commence un long week-end d'aventures insolites, puis qui vont les mener aux quatre coins de la ville, puis aussi qui vont les mener face à eux-mêmes. Mais la particularité de cette pièce-là, c'est que quand même, 9 chansons, c'est pas rien. Hein, c'est un défi. Ensuite, je t'en parle vitement parce que je vais aller la voir et je t'en reparlerai un peu plus la prochaine fois. C'est Boeing Boeing. Oui. Une comédie au, des théâtres du Nouveau Compagnon. Des nouveaux OK, compagnons. C'est une production d'ici. Oui, c'est ça, c'est local. Du 6 au 15 novembre, c'est à la salle Anaïs à la Rousseau. En fait, c'est l'histoire de Bernard, un architecte, qui a trouvé le truc parfait pour vivre sa vie à fond. OK. C'est... On veut le savoir. Ben, tu veux le savoir. Oui, hein? C'est clair. Ben, le truc parfait, c'est qu'il y a 3 maîtresses. Ah, ben là, c'est aussi, ça a amené beaucoup de problèmes et de complications dans la vie, ça. Puis, ils vivent sous le même toit. OK. Puis, personne ne sait. Personne, sauf lui. Sauf lui. Son truc, tu veux savoir son truc? Ben oui. Ah. Va voir la pièce. Ben, c'est qu'il a choisi des hôtesses de l'air. Ah, ben oui. Fait qu'ils travaillent sur des lignes aériennes différentes puis sur des fuseaux horaires différents. Génial. Mais probablement qu'il va y avoir quelques complications. Quiproquo. Exact. Fait que c'est ça pour le théâtre. Maintenant, un petit rappel à la salle Thompson pour finir. Deux choses. Fred Pellerin, le 29 oui. octobre, de Peigne de misère, qui fait une supplémentaire. Parce que s'il y a des supplémentaires, c'est parce qu'il y a bien du monde qui l'ont pas vu, puis ouais. qu'il y a du monde qui veulent le voir. Absolument. Fait qu'il semble rester des billets pour cette représentation-là. Et aussi, c'est rare que je te parle des grands explorateurs, mais ça me semble assez intéressant. Mm-hmm. Ça s'appelle Voilier Balthazar. C'est le 1er novembre à la salle Thompson. C'est une grande exposition sur le Voilier Balthazar pour un périple de 10 000 km. Qui a pris départ à Gaspé jusqu'à la mer de Bering okay. par l'océan Arctique, donc par le mythique passage du Nord-Ouest en voilier. Mm-hmm. C'est quelque chose. Exact. Et donc, on découvre sur des paysages de glaciers, de banquises, de nature sauvage. C'est une dame, Claire Roberge et Guy Lavoie, ici, qui ont construit leur voilier. Okay. Puis, ils ont entrepris un grand périple autour du monde en famille. Tu t'imagines-tu ouais. toi être ticu puis que tu rentres en verre sur le voilier? Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu sais pas là. Quand tu redescends. Là. Fait que ça a duré 5 ans. Oh, carrément. 34 pays. OK. 3 océans. Plus de 75 000 kilomètres parcourus sur l'eau. Puis ils ont fait 400 conférences. Ça veut dire que la conférence, ça doit être rodée. Oh, oui. Quand on sait que c'est quoi 40 000 kilomètres le tour de la Terre. Fait que les autres, ils en ont fait 75. Ils se sont promenés un petit quasiment peu. Quasiment deux fois. Ah, ouais, c'est ça. Fait que c'est le 2e voilier seulement de plaisance québécois okay. et le 70e au monde qui réussit à franchir le passage nord-ouest. Donc, c'est à voir le 1er novembre. Ben, puis c'est toujours des images assez exceptionnelles, les grands explorateurs. J'en ai vu quelques-unes sur le net. Là. C'est les glaciers là, qui sont percés maintenant. Ça fond pas mal. Fait qu'il y a des formes là, qui se créent là, assez hallucinantes. Hallucinant. Deux nouvelles expositions au Centre Raymond Lanier de la Maison de la Culture du 26 octobre au 23 novembre. Il y a un vernissage d'ailleurs le 26 octobre à 2h. Okay. La première exposition, Il passe à l'intérieur, c'est de l'artiste Steve De Bruin. Je vais le dire comme ça, mais ça doit se dire en anglais. propose en fait une installation à grande échelle faisant référence à l'univers du skateboard. OK. Ah. Que je ne peux pas t'en dire plus. Je vais aller la voir. Je vais aller voir les deux expositions la semaine prochaine, probablement. Je t'en dirai plus la prochaine fois. La seconde, quant à elle, c'est l'artiste Isabelle Gauvin de Trois-Rivières. Oui, je connais bien Isabelle. Qui rend hommage à la douce folie avec Conte urbain incluant ou non un poulet. OK. Et ça a lieu. Ça doit être concept, ça. Ouais, il doit y avoir un concept en arrière de ça, sûrement. Ça connaît Isabelle en plus. C'est la salle Raymond Lanier de la Maison de la Culture. Parfait. Ensuite, trois nouvelles expositions qui débutent au mois d'octobre au Musée québécois populaire. Oui. Culture, Musée québécois de culture populaire. Oui, oui, oui. Il y a Histoire de pêche. C'est l'artiste Benoît Desjardins qui crée des poissons. Tout droit sorti de son imaginaire de pêcheur aguerri. Ah bon? Particulier. Absolument. La deuxième, c'est Relais Poutine. OK. Le photographe Michel Tremblay a sillonné la province pour immortaliser de typiques casse-croûtes québécois. Des roulottes à patates puis des petits casse-croûtes. Absolument. Et le temps file, les chapeaux se défilent. Sculpture textile de l'artiste chapelière Mireille Racine, inspirée des chapeaux de la collection du musée. Ah! Fait que c'est à voir, trois nouvelles expos qui durent en moyenne... Quand même assez longtemps. Oui, c'est 6 mois, jusqu'à 1 an. OK. Maintenant, cinéma, Ciné 5D, je t'ai parlé de ça, oui. C'est une formule au Ciné Campus où tout le monde est invité à y aller, ça coûte 5 $, t'es pas obligé d'être membre. Le film, c'est Ida, il reste deux dates ce soir, le 23 et le 26. Là, je ne l'ai pas vu. OK. Là, j'ai des peurs cinématographiques. Là. Écoute, je vais en parler pareil. Ah, vas-y. Je vais en parler pareil parce que là j'ai peur du chef-d'œuvre. J'ai, okay. j'ai la phobie du chef-d'œuvre à la Ingmar Bergman. Mais en tout cas, si je t'en parle, c'est Canada, Pologne, Danemark, 2013, noir et blanc, version originale, sous-titrée française. OK. On commence. On s'installe. Ça vient au festival, d'ailleurs, du film de Toronto en 2013. Il a eu le prix de la critique internationale. Ça continue, là. Oh, c'est épeurant. C'est grand, là. C'est grandiose. Fait que je t'en donne une petite description, là. En Pologne, dans les années 60, une jeune orpheline élevée dans un couvent est sur le point de prononcer ses vœux. Apprenant l'existence d'une tante, seule survivante de la famille, elle part à sa rencontre et découvre ses véritables origines et des douloureux secrets de famille. Oh! Bon, OK, je vais te rachever. Il y a une critique de Élie Castiel de séquence. Avec Ida, Pavel Pawlikowski renoue avec un cinéma polonais classique, d'une extraordinaire force d'expression qui assume sa supériorité avec raffinement et exerce chez le spectateur un fort sentiment empreint de noblesse et d'intense humanité. C'est intense, ça? Fait que, si vous voulez aller voir, c'est en version originale, sous-titrée français au Ciné Campus, au Ciné 5D. J'en ris beaucoup, mais c'est peut-être excellent. On fournit pas le martini, par contre. Tout nous porte à croire que c'est excellent. Ben, en tout cas, c'est grandi, c'est tout. Il y a mais tout pour lui. Il faut s'attendre à... Peut-être qu'il y a des voisins qui vont s'endormir. Peut-être, possible. Bon, surtout en polonais. Là. Je voulais en rire un peu parce qu'il y a des chefs-d'œuvre qu'il faut en rire, mais ben celle-là, j'en sais aucunement. Et puis au moins, on ne blesse pas quelqu'un à Trois-Rivières là, qui est en train de pleurer dans son petit coin et qui arrête de faire de l'art. Non, mais ça pourrait arriver. Hein. Il y a des gens, il y a des artistes qui sont bien sensibles. Absolument. Pour continuer dans l'incompréhension, je vais te parler au cégep. T'es bien drôle le matin, toi. Écoute, je sais pas ce que je vais manger. Ça fait du bien. Je vais te parler d'un show au cégep de Trois-Rivières. Oui. Le 1er novembre, théâtre du cégep. Probablement tu le connais. Écoute, c'est le gagnant de l'Olivier Découverte de l'année. Ouais. Adib Al-Kaïdé. Oui. Il est super bon. Bon, toi, tu l'aimes. Je l'adore. Mais moi, je le connaissais pas. Juste pas. Je suis allé voir... écoute, en fait, pour ceux qui le connaissent pas, là, c'est un humoriste, un auteur, c'est un comédien. Il a préparé son tout dernier one-man show, celui qu'on va voir, avec la mise en scène de Martin Matt. Oui. Quand même. Il nous propose une interprétation assez personnelle du monde parce que il est moitié marocain, moitié irakien, ce qui fait un mix assez... Et québécois total aussi, là, parce qu'il parle comme toi puis moi. Là. Absolument. Mais moi, je suis allé voir un sketch, okay. Puis c'était le sketch qui s'appelait Les couteaux. Okay. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'était cru. Ah, c'est cru. C'était... Moi, j'ai pas trouvé ça drôle. OK. J'ai trouvé ça même un peu troublant. OK. Puis... en fait, c'était l'histoire... C'est quoi l'histoire des couteaux, c'est qu'il parle jamais de politique, mais là, il a décidé d'en parler, puis il parlait de la mort de Kadhafi en... La mort de Kadhafi. Il l'avait tué, puis bon, il était pas pour qu'il l'ait tué, mais il avait rentré des couteaux dans le cul. OK. Fait que là, il était toujours, dans tout son monologue, là, il était là, mais c'est mieux, on va installer, il parlait que les ministres qui font pas leur job, faudrait leur rentrer des couteaux dans le cul. OK. C'est le genre que j'aimerais, ça. Mais les gens qui disent les vraies choses. Oui, mais moi, j'ai pas trouvé ça drôle. OK, ben c'est que, tu sais, l'humour, c'est très personnel. Ouais, ben c'est ça. C'est l'art, ça fait partie aussi. En tout cas, un avertissement, pour ceux qui le connaissent pas, là, allez le voir sur YouTube, il y en a en masse des sketchs, vous allez vous faire une idée. Ben, puis moi, ce que j'aime de lui, c'est justement, c'est que, écoute, gars, c'est un mélange irakien, t'as dit, et marocain. Fait que, tu sais, sérieux, il sait de quoi il parle, puis je veux dire, il s'inclut là-dedans, ses parents sont d'origine d'ailleurs, il y en avait une drôle, parce qu'il disait, il y avait une femme qui l'avait rencontré, puis il disait, quand il disait qu'il était marocain, elle disait, oh, que c'est beau, les petites clémentines oranges, puis il dit, là, mais je suis la moitié irakien. Là, elle avait peur. C'est ça. Ben moi, j'aime bien ce personnage. Monsieur Adib Al-Qaïdé, c'est quand? C'est le 1er novembre. Ah, mais moi, c'est le genre de truc que j'aimerais bien aller voir. Puis ça doit être abordable quand c'est au cégep, c'est relativement abordable. Oui, c'est abordable. Moins, c'est pas des aussi gros, des gens établis. Là. Ouais, c'est ça. Mais comme je disais, avec Martin Matt, la mise en scène, ça va avoir quand même... Il est très, très solide, là, pour vrai. Moi, toutes les fois que je l'ai vu beaucoup dans des participations, dans des émissions de télé comme chroniqueur ou venir ajouter quelque chose. Puis c'est toujours très, très, très... Ben, en tout cas, il est très verbomoteur. Oui, oui. Ça, c'est clair. Il sait où ce qui s'en va. Oui. Oui. Pour continuer dans le léger, au Zénab, Full Blood. Ben oui, hein, une soirée d'horreur avec Full Blood. C'était l'Halloween en plus, je pense. C'est le 30 octobre. OK. 30 octobre au Zénab. Full Blood, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est du punk garage. C'est avec quatre gars qui demeurent à Trois-Rivières. C'est Alexandre Dosti à la voix, Pascal Pépin à la guitare, Pierre Brouillette-Amelin à la basse et Sébastien Dulude au drum. Ouais, Sébastien qui est rendu drummer de punk. Exact. Mais c'est aussi le lancement de leur premier album. Oui. Fait que il va y avoir deux autres groupes qui vont être là en première partie. Il va y avoir Tonne de Montréal et Oromocto Diamond. Et ouais, t'avais des connais? Oromocto Diamond. C'est un duo de dance punk comédie de Québec. Ah, ben tiens, hein, ça va être encore pour oreilles chastes s'abstenir. En tout cas, ça va brasser. Puis parlant de brasser, toujours aux Zénab, le 7 novembre, Feu de forêt dans le désert. Oui, oui, oui. C'est la cinquième année. Feu de forêt dans le désert, c'est une série de concerts qui a eu le jour en 2009 à Trois-Rivières. Le but, en fait, c'était d'offrir aux gens de la région des événements de qualité à prix abordable. Feu de forêt dans le désert, c'est aussi 7 lieux de présentation différents, 38 éditions, 70 artistes canadiens quand même qui sont venus ici. Oui, puis c'est des artistes qu'on connaît pas, mais qui sont souvent de la très émergents, puis des fois justement du Canada entier. C'est absolument. C'est vraiment pas des bands de la région d'habitude. Oui, absolument. Donc, pour ce 39e concert et ce 5e anniversaire, ils présentent deux formations musicales. Jésus les filles de Montréal, je sais pas si tu connais. On connaît, oui, ici à la radio. Puis Suriname de Toronto. Ah, ça je connais pas du tout. pour terminer dans le léger, donc, au Gambrinus, mardi 4 novembre, il y a un hommage à Foo Fighters. OK. Donc, changeons de registre un peu. Magasin général Lebrun de Masquinongé. Bel endroit. Très bel endroit. Puis je trouve que l'artiste dont je parle, c'est idéal pour aller voir. Il fit là. C'est Michel Faubert. Oui. Qui est un conteur, chanteur. Charbonnier de l'enfer aussi. Exactement. Il était là-dedans, je pense. Oui. Et puis c'est un des instigateurs. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un instigateur avec celui qui tape du pied dans la bottine souriante qui a laissé la place. Non, je me souviens pas de son nom. Donc, il revient à chanson solo avec un spectacle d'une grande sensibilité pour accompagner son nouvel album. Le spectacle, évidemment, s'inscrit dans la belle tradition faux, dépouillé et intime. Ah, intéressant. Je te glisse un mot d'une chanteuse. Pour ceux qui ça intéresse, Cindy Bédard. Cindy Bédard, ben Cindy oui, Bédard, la fille de la région. Ben oui. L'aime, Cindy. Eh oui, puis qui a franchement... Ça va bien. Il y a une bonne voix. Elle a oui, une bonne puis voix. Ça va bien en ce moment. En plus, elle est dans le bon ton. Ouais. Parce que c'est l'ère du country depuis quelques années. Absolument. Puis elle, c'est une vraie, tu sais, elle essaye pas. Elle a toujours fait ça. C'est à l'état pur. Puis, exact. En fait, ceux qui peut-être l'ont connue au début, c'est elle qui faisait du yodel. Hein. Oui. Elle s'est fait connaître un peu là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Elle yodelait. Aïe-de-lait. Bon, ben, si Aïe-de-lait, c'est le 25 octobre. Exactement. Fait qu'au Centre culturel Pauline Julien, okay, au Cap de la Marelle. Maintenant, Shawinigan, une exposition que je t'ai parlé il y a 3 semaines, qui était sur ces 7 expos photos qui ont rapport avec l'eau. Oui. C'est des très belles expos. Je me souviens de les avoir toutes regardées, oui, sur le net, là. Puis, mais ça se termine le 2 novembre. Je voulais juste dire c'est la date. C'est le temps d'y aller. C'est le temps d'y aller si vous voulez y goûter. C'est au centre d'exposition Léo Ayotte. Si vous voulez plus de détails ou voir des photos, c'est le www.cultureshawinigan.ca. Excellent. Il va y avoir aussi, là, évidemment, ils changent l'exposition, puis il y a une exposition qui je trouvais intéressante, puis avant Noël, pour les enfants aussi, ça peut être intéressant. Nous, les insectes, une exposition qui vient de l'Insectarium de Montréal, qui commence le 6 novembre et qui finit le 17 décembre. C'est clair que les enfants adorent ça. Ben, c'est genre de... Ben, puis nous aussi, là. Ben, c'est ça. C'est ça, exact. C'est des couleurs incroyables, puis c'est des comportements, parce qu'il va en avoir des vivants, là. Okay. C'est pas toutes des épinglés, là, qu'on voit là. Fait que... Il faut se laisser surprendre par la beauté des scarabées géants, de la forêt tropicale, puis il va y avoir des lucioles, il va y avoir un paquet d'insectes. C'est à voir. Puis c'est apprendre et en plus s'amuser un peu, découvrir, tout ça en même temps. Bon, toujours à Shawinigan, quelqu'un qui est venu l'an passé, je me souviens d'avoir fait un petit topo sur lui, David Marin. Oui. Le choix de l'embarras, le 23 octobre à la Maison de la culture Francis Brisson. De grand-mère. C'est un guitariste, pianiste, accordéoniste. David Marin, en fait, nous revient avec un deuxième disque. Puis il s'est évidemment, pour l'occasion, adjoint les services du leader de la formation de Carquois, okay, Louis-Jean Cormier. Ben, David est vraiment talentueux, David Marin. J'aime sa voix, j'aime son grain, j'aime le personnage. J'aime beaucoup son écriture. Oui. C'est une écriture vraiment surprenante. Des jeux de mots qui sont profs. Il y a une, ouais, profondeur à ces jeux de mots. Là, pas... Puis une voix particulière aussi. Ouais. C'est pas une voix... c'est ça, une voix par un grain très, très particulier. En tout cas, excellent album. Puis c'est sûr que musicalement, pour ceux qui connaissent Cormier, ils vont être servis. Ça va être douette. Ouais. Bon, mon coup de cœur de la semaine. Oui. Bon, c'est Émile Proulx-Cloutier. Oui, oui, oui. Émile, c'est d'ailleurs le coup de cœur du diffuseur, qui est la Maison de la culture de grand-mère, le 25 octobre, il nous présente son premier album, Aimer les monstres. Mm-hmm. Qui a joué beaucoup ici, assez fou, Émile Proulx-Cloutier. Ben, c'est très personnel. Mm-hmm. C'est le fils, pour te dire le background, c'est le fils des comédiens Raymond Cloutier, je ne sais pas si ça, oui, c'est quoi, oui, Raymond Cloutier, et Daniel Proulx, mm-hmm, qui est sa mère, oui, connaît bien, qui jouait la mère de dans Crazy. Ça, tu m'apprends vraiment quelque chose, par, ouais, contre, que c'est Proulx-Cloutier. Oui, c'est un... Ben, Proulx-Cloutier, oui, là, à ce temps que tu le dis, mais ça fait longtemps qu'on voit le nom ici passer. Et puis, il y a un frère aussi, je pense, qui fait de la musique, en tout cas, peu importe, là, mais c'est une famille d'artistes. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, les chansons d'Émile Proulx-Cloutier, ils se vivent comme des petits films. Quand tu l'écoutes, tu le regardes. Tu sais, quand on dit jouer de la musique, là, lui, il joue. Ah, oh, oui. Tu sens qu'il joue. On voyage en fait entre la tragédie puis la rigolade, le slam puis la berceuse, le chaos des villes, le souffle de la mer. C'est toujours entre le fragile puis le très explosif. Mm-hmm. Fait qu'on est sur une file très mince. C'est un pianiste surprenant d'ailleurs. Il est vraiment... tu sens que son corps est engagé dans son, okay, piano. Il a raflé 7 prix au Festival de la chanson de Petite-Vallée en 2011, ce qui n'est pas rien, dont, mm-hmm, le prix du public. Il a présenté, depuis ce temps-là, plus de 40 spectacles à travers le Québec, présentés tous à guichet fermé. OK. 6 nominations au prochain gala de la disque en 2014, dont Révélation de l'année, Auteur-compositeur de l'année, puis Album de l'année, adulte contemporain. Donc, c'est un album vraiment très personnel. Puis c'est pas un cliché. Tu sais, des fois, on dit, oh, ça, ouais, ah, c'est non personnel. Oui, c'est facile à dire. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Fait que, parlant d'album personnel, Salomé Leclerc. Oui. Deux dates dans la région. Vendredi 20, 24 octobre à Bécancourt, au Moulin Michel de Gentilly. Elle est sur notre palmarès en ce moment. Elle. Et puis c'est très bon aussi, ce qu'elle fait. Elle. C'est assez étrange. Ouais. Oui. Et y a l'utilisation, tu sais, j'aime ça, là, les petites, des fois l'utilisation de la musique électronique, des fois dans ça, c'est super bon. Il y a un mix des deux, un petit côté rythmique particulière puis qui vient ajouter avec la nature humaine. Là. C'est bien. Ben, d'ailleurs, toutes les critiques que j'ai lues sont assez unanimes. Hein. C'est un excellent deuxième disque, c'est son deuxième. Ce qui est rare parce que, tant qu'à moi, habituellement, au deuxième, il y a des compromis là, pour plaire, ouais, là, ouais, qui se font à tout prix. Là. C'est vrai. Puis d'ailleurs, le deuxième, ben, souvent, ça fait planter les gens. Parce qu'ils veulent trop, ils veulent trop que ce soit accessible. Puis ou mieux que le premier. Ou, absolument. Souvent, c'est le premier qu'ils ont fait découvrir. Tandis que c'est ça que les gens veulent. Son deuxième, il est plus sombre que le premier, qui était plus faux. Oui. Donc, comme tu disais tantôt, plus électro, avec des claviers. Il est sombre, mais la musique est assez colorée. Oui. C'est ça qui fait un beau contraste. Elle a dit que c'est un disque d'automne à écouter en entier. Là. Tout à fait, c'est ambiant un peu. C'est non, vraiment un très, très bon album. Moi aussi, personnellement, j'aime beaucoup mieux le premier. Moi, j'avais même pas à peine écouté parce que justement, c'était dans la mouvance du folk et puis du folk, on en a là, mur à mur, il n'y a rien que ça. Et quand lui, j'ai entendu les premières pièces, tout de suite, j'ai fait « Ah, ben là, tu vois l'évolution de la fille, justement. » C'est un meilleur album, je trouve, que le premier, personnellement. L'album s'appelle « 27 fois l'aurore ». Elle a 27 ans. Et ça a rapport avec son âge. Mm-hmm. Son deuxième album là, qui vient de sortir en France à partir du 13 octobre. Okay. Puis cette sortie-là va s'accompagner de prestations en première partie des spectacles de Pierre Lapointe. Quand même. Puis de la formation Détroit. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Je ne connais pas Détroit, désolé. Qui est le nouveau projet musical du chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat. Oh! Puis que ça va passer à l'Olympia. Oh! Quand même. Elle va jouer à l'Olympia. Déjà, c'est quelque chose. Mais elle a dit qu'elle a réfléchi avant d'accepter l'invitation. Puis elle a raison, parce qu'il faut rappeler que Cantat avait purgé une peine de prison pour avoir tué sa compagne, Marie Trintignant. Oui. Donc, tu dois penser à ta réputation, parce qu'il faut que tu assumes les critiques, hein, parce que ça ne fait pas l'unanimité nécessairement en France. Oh, ouais, non, je sais. Puis je suis allé écouter ce qu'il faisait, Bertrand Cantat, par après, quand il est sorti ou presque. Ça l'a changé un homme, par exemple. Le gars, il est vraiment rendu beaucoup plus introspectif, beaucoup plus calme. Et la barbe, tu sais, il n'a plus l'air du jeune premier de l'époque. Il a l'air du vieux sage plutôt. Mais ça doit te rasseoir. Hein? Oh, ouais, ça doit te rasseoir. ça doit. Ouais, tu repenses à ta vie un petit peu. Ouais, t'as le temps. T'as le temps. Donc, félicitations pour Salomé Leclerc. Oui. Maintenant, encore des gens de la région, parce que Salomé Leclerc, elle vient de juste de la rive sud, là, dans le bout de. De passer gentil un peu. OK. Ouais, non, je savais qu'elle venait du coin, par contre. Jardin mécanique. Oui. La sinistre histoire du théâtre Tintamarre, épisode 2. Ah, OK, oui. Ben, je m'en ai dit, on le connaissait, ouais, ça, mais exactement. C'est l'épisode 2. Et c'est de la musique progressive, pour ceux qui connaissent un peu. Musique théâtrale, je dirais, moi. Si tu veux. Plus, ben oui, c'est progressif, mais c'est très, très, très théâtral. Moi, j'avais vu l'épisode 1 au Festivois. Il était passé au Festivois. Puis, bon, j'avais aimé ça dans l'ensemble. Disons que c'est une belle expérience. Oui, exact. C'est pas de la grande musique, c'est pas de la grande performance, mais tu vois que les gars sont engagés dans quelque chose. Ils aiment ce qu'ils font. C'est de très, très bons musiciens. Moi, j'avais des fois un peu de misère avec le côté un peu trop... théâtral. Ouais. Exact. Ouais, c'est ça. Qui faisait un peu, parce que pourtant j'aime la musique progressive, mais le côté un peu trop théâtral me faisait décrocher un peu. T'sais. C'est que c'est tout le temps les personnages, puis les gars jouent vraiment, ils ont trois personnages, puis même ils en ont plus, je pense. Ils incarnent plusieurs personnages. Puis, Ben, ce qu'il disait dans le. Okay, je vais te lire vas-y. Le petit. Quelque part entre le début et la fin du 19e siècle, la ligne du temps se faisant vieille et fragile s'est fissurée. Ah! C'est dans un étrange auditorium que personne n'ose visiter, même pour y jeter un simple coup d'œil, que M. Augustache et ses artistes itinérants, et quelque peu détraqués, ont décidé de s'établir et de faire vibrer ces murs décrépits en harmonie avec leur musique corrosive, sombre, satirique et burlesque. Ah, c'est ça. Mais moi, je les ai vus il n'y a pas longtemps quand il y a eu les nominations de la. Non, c'est pas vrai, c'est spectacle de danse macabre qu'il y a eu là, peut-être deux semaines, qui est le festival burlesque à Montréal. Et puis c'était le band de fin. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé que justement, c'est que j'aime le prog, mais moi, je trouve que c'était. Très agressif. Moi, je trouve que c'est agressif. Leur musique m'agresse un peu. Elle est pas théâtrale, je trouve, leur musique assez. Moi, j'ai un peu de misère avec Jardin Mécanique. Mais je trouve ça magnifique dans le sens qu'ils offrent un produit vraiment différent. Mais moi, ça me touche pas. Bon, mettons. Pour ceux que ça toucherait, c'est le 6 novembre à la Maison de la Culture, encore à Grand-Mère. Ouais, il se passe de quoi, là? Maintenant, un petit dernier pour la chanson B du Fèvre. Oui. Karim Diouf. Je sais pas si t'entends. Karim Diouf, je connais le nom, mais je connais pas l'artiste. Bon. Je pense qu'il y a même hier, il a gagné à l'autre gala de la disque Album Musique du Monde. Bon. Ben, donc, ça donne bien pour exact. Lui. Exact. Musique du Monde, c'est un Sénégalais d'origine, Québécois d'adoption, très Québécois. Ça va être le 1er novembre, le spectacle. Il nous parle en fait un peu de notre époque, de nos travers, de nos repères. Peut-être que le monde l'ont déjà reconnu ou vu, parce qu'il y a quelques années, évidemment, il a joué avec les Colocs. Ah, ben oui. Je me rappelais de sa face, mais je savais pas qu'il avait joué avec les Colocs dans le temps, ce monsieur. Bon, une dernière activité qui se rapporte, évidemment, je l'ai gardée parce que c'est l'Halloween. Oh! Dans le cadre des petites vues, habituellement présentées au Centre culturel Pauline Julien, mais ça va être à Boréalis cette fois-ci. Les petites vues présentent leur spécial Halloween. Donc, deux jours, jeudi le 30 et vendredi le 31. Donc, pour l'Halloween, les petites vues se déplacent à Boréalis pour présenter des courts-métrages d'horreur, de genre et autres petits films angoissants. Dans trois salles distinctes, dont les voûtes. Oui, ça, c'est intéressant, ça. Absolument. On découvrira trois programmes différents de 30 minutes chacun. Donc, ça va être des projections qui vont être présentées en boucle dans chacune des salles. C'est génial, ça. Donc, c'est pour 16 ans et plus. Amenez pas vos petits bouts de chaud, là. C'est pas la place. Non. C'est gratuit. Mais, par contre, ils disent de peut-être réserver. Oui, ben, étant donné que c'est gratuit en plus, exact. C'est sûr. Donc, pour en terminer avec l'Halloween, si vous avez besoin d'un maquillage professionnel pour votre party d'Halloween, ben, je vous conseille, moi, les ateliers créatifs. Ils sont excellents. Et allez sur leur page Facebook, là, c'est les ateliers créatifs Trois-Rivières, parce qu'il y a beaucoup de les ateliers créatifs sur Facebook. Oui, il y en a beaucoup. Mais les ateliers créatifs, si vous rajoutez Trois-Rivières, vous devriez... c'est assez facile. Vous devriez l'avoir. Ou appeler Miette Bourgault au 819-266-4872. 266-4872. Pour des maquillages exceptionnels. Exceptionnels, vous allez gagner tous les concours avec ça. Exactement. Merci beaucoup, Michel Matteau. Ben, ça me fait plaisir. On se quitte avec Émile Proulx-Cloutier et Race de Monde. C'est ça que tu m'avais dit? Ben, ça va être une très bonne toune. Parfait, donc on y va tout de suite. Et puis, après la toune, on va avec une pub. Et puis, le show se poursuit jusqu'à 13h. Je vous invite réellement à rester là. Il y a plein de niaiseries qui s'en viennent. Vas-y, Émile. Ça s'en vient. What's up, mon pote? Dis-moi donc pourquoi ta chanson chancelle? Pour qui tu cancelles ta vie, ton vote, tes rêves et ta révolte? Au-dessus de tout, been there, done that, ben assis dans ta croûte, tu jappes à quatre pattes et t'attends que le monde crache et t'attends que le monde clash. Tu fonces à deux à l'heure avec la tête sur le dash, parasite. T'anticipes ta retraite au flambeau parabolique, paradis stéréo. C'est pas gros, c'est pas grave, mais tellement mélancolique. Quand tu lances à tout vent ta litanie du vide, ton refrain qui freine, ton refrain de fric, ton refrain cynique qui va comme suit. Quand tout le monde chante et puis tout le monde danse au gré de sa révolte et de sa démence. Après tout le monde flanche, tout le monde rampe, laisse à la guenille les grandes espérances. Quand tout le monde chante et puis tout le monde danse au gré de sa révolte et de sa démence. Après tout le monde flanche, tout le monde rampe, laisse à la guenille les grands mots qui ont plus de sens. T'as la vue courte et puis c'est pas de ta faute. Que tu plantes ta pote dans l'œil des autres. Un cri de barbare retentit sur tes tracts. À bas la gauche, caviar, vive la droite, Big Mac. Tu mènes ton combat de petit visage pâle. Ta langue de bois, langue de batte de baseball. Et t'attends que le monde tombe et t'attends que le monde fonde. Au nom du vrai monde, t'inonde les honnêtes. Ton ignorance crasse ton esprit beden. Toutes tes liasses d'opinions à Saint-Saëns. T'es ben la seule race qui me pollue la vue. Qu'est-ce que t'as eu d'en face? Un coup de pied dans le cul?

Mais non, je fais pas ça, là. C'est pas ça, trop facile. Là. Mais non, mais c'est ridicule. Tu fais juste mettre quelques ingrédients dans une tasse puis tu envoies ça au micro-ondes. Il ouais. y a une excellente recette de brownies dans une tasse. Je crois qu'il y a aussi style gâteau blanc comme ça dans une tasse sur le blog de 3 fois par jour. OK. Et c'est le brownies que je me fais à chaque fois que j'ai une envie de sucre. Cool. J'ai toujours tous les ingrédients. C'est très facile. C'est toujours comme 2 ou 4 cuillères à soupe. Fait que c'est un peu de farine, un peu de sucre, un peu de cassonade, un peu d'huile, un peu de lait, un peu de vanille. Puis dans le fond, ça peut pas être mauvais, le truc qui nous vend à une pièce chaque, c'est juste des ingrédients pitchés dans une poche là, avec les bonnes quantités, puis ça reste les mêmes ingrédients, ça doit pas être super... Ben non, c'est sûr qu'il y a quand même des ingrédients de rajouter là-dedans. Agent de conservation et autres. Ben oui, sûrement. Des cochonneries qui ont pas rapport. Hein. T'as bien raison, mais on n'a pas regardé les ingrédients parce qu'on fait juste manger mal. Voilà, je pense que ça va être tout. Je vais garder les nouvelles pour la prochaine fois. Il y en avait des bonnes, mais on va faire ça la prochaine fois dans une grosse pointe en dresse qu'on fait les mardis. En fin d'émission, 9h15, 9h20 environ. Ça goûte pas ce chocolat, moi. Pas assez? Ben non. C'est supposé avoir des pépites de chocolat dedans, pourtant. Ouais, puis ça goûte pas. Ouais. Dommage. Ça goûte le blanc. Ouais. C'est pas, on peut pas gagner à chaque fois. Ouais. Moi, j'ai bien aimé le mien quand même. Un tour, tu vas aimer ça se fait tout seul. C'est ça, moi je suis paresseux, tu sais. C'est de la malbouffe paresseuse qu'on fait ici dans une grosse pointe en lice. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On s'en va dans un gros segment du pourquoi du comment. Eh ben oui. Pourquoi le Canada s'appelle-t-il ainsi? Je sais, il y en a beaucoup qui le savent, là, mais il y en a beaucoup qui pensent le savoir et qui le savent peut-être pas. Eh bien, c'est encore à cause de ces maudits Français. Preuve, l'importante relation entre les deux peuples. Le Canada doit son nom à la France. Plus précisément, bien sûr, à Jacques Cartier, qui, vers 1535, lorsque il explora, cet explorateur breton jeta l'ancre à l'embouchure de la rivière Saint-Charles, à la recherche de la rivière Saint-Charles, oui, près de Québec, à la recherche d'une nouvelle route vers l'Asie, il se laissa guider par des indigènes. En arrivant au village de Stadacone, hein, l'actuel emplacement de la ville de Québec, ces derniers ne cessaient de répéter « Canada, Canada, Canada », qui, dans leur langue, signifiait simplement « bourgade » ou « village ». Et un Canada, c'était une bourgade, un petit village. Et prononcé rapidement, et ce dans une langue complètement inconnue par les Indiens, « Canada » est devenu « Canada » dans l'oreille de Jacques Cartier. Il a alors utilisé ce nom pour désigner non seulement le village, mais également tous les territoires, environnement et le fleuve, qui deviendra le fleuve, bien sûr, Saint-Laurent, le Canada. Hein? C'était le premier mot. On va continuer dans les pourquoi du comment. On en a quelques-uns. Pourquoi le savon est-il efficace contre la saleté? Hein? Le savon est utilisé depuis près de 4000 ans. Hein? 4000 ans, on utilise le savon et il est efficace pour se laver ou bien pour nettoyer nos vêtements ou nettoyer quelque chose. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il doit cette propriété de laver à sa structure chimique, car il est composé de molécules dont une partie est hydrophile, donc elle attire l'eau, et l'autre partie est hydrophobe ou est lipophile, donc il repousse l'eau et attire plutôt les graisses. Lors d'un lavage d'une tache sur un vêtement, par exemple, la molécule de savon a donc naturellement tendance à se placer entre le tissu et la saleté. La tache est alors capturée puis évacuée au rinçage. Les savons les plus célèbres aujourd'hui sont ceux d'Alep et de Marseille, qui est une évolution du premier. On parle d'en France. Ils sont réalisés à partir d'huile d'olive et de plantes poussant sur les côtes comme la salicorne mélangée à de la soude. Mais nous, ici au Québec, le savon du pays, eh bien, croyez-le ou non, mais on faisait ça avec du gras de cochon. Ben oui, avec du suif. Ça, il n'est pas écrit dans l'article, mais je vous le dis. C'est avec du suif qu'on fait ça, avec de la grosse graisse, même du gras de bacon. Vous pouvez faire du savon avec. On y met, justement, je pense que c'est du bicarbonate de soude. C'est pour ça qu'on dit un mélange avec de la soude. Il y a des recettes, il y en a plein sur le net, là, mais avec du bicarbonate de soude. Et puis, on peut y mettre, bien sûr, une huile essentielle ou un parfum à l'intérieur, genre parfum de lavande, mais pas un parfum cheap, on prend de la vraie huile essentielle, c'est l'idéal. Sinon, toujours dans le pourquoi du comment, eh bien, pourquoi les hommes portent-ils des kilts en Écosse? Porté pour les grandes occasions en Écosse et en Irlande, le kilt existe depuis l'époque médiévale. Il est réservé aux hommes et il s'agissait alors d'une tenue complète et pas seulement d'une jupe. Long de près de 6 mètres, ce vêtement en tartan était enroulé autour de la taille, mais pouvait se rabattre aussi sur les épaules. Les couleurs et les motifs permettaient alors d'afficher une appartenance à un clan. Ce n'est qu'au 18e siècle qu'il aurait été raccourci. Quant à savoir si les Écossais et les Irlandais sont nus sous leur kilt, il est utile de savoir qu'en civil, chacun est libre, mais que la discrétion est de mise. En revanche, l'armée a longtemps prohibé les sous-vêtements et il y a quelques années, elle vérifiait encore le respect de la règle à l'aide d'un petit miroir. La réponse du pourquoi de tout ça, j'aimerais ça par exemple. Pourquoi l'armée écossaise exigeait de ne pas avoir de sous-vêtements sous le kilt? Moi, c'est là la réponse que je voudrais avoir, mais c'est dans une autre question peut-être. On va continuer dans le pourquoi du comment. Eh bien, pourquoi croise-t-on les doigts pour avoir de la chance? Hein? Croiser les doigts pour avoir de la chance est un geste bien connu qui remonte à l'Antiquité. L'idée vient de certains rites païens d'avant l'ère chrétienne. La croix symbolisait une union magique. À l'origine, il fallait être deux pour réaliser cette opération. Chacun des deux individus devant croiser son index avec celui de l'autre pour qu'un vœu commun se réalise. On fait ça quand on parle en même temps, des fois, hein, ici encore au Québec. Le fait d'agir à deux était censé augmenter les chances d'obtenir satisfaction. Bien sûr, plus d'énergie vitale. Pardon. Au fil du temps, ce geste collectif a... Pardon. J'ai vraiment excusé, hein. Ce geste collectif, au fil du temps, a été peu à peu abandonné pour être réalisé seul en croisant le majeur et l'index. Cette pratique serait apparue afin de rendre le geste plus discret, mais aussi parce qu'il n'est pas toujours facile de trouver un individu de confiance avec qui faire son vœu. Hein? C'est pour ça qu'on croise les doigts. Pourquoi les pointures des souliers ne sont-ils pas en centimètres, hein? Les pointures des chaussures ont été inventées par les cordonniers du 18e siècle afin d'harmoniser les tailles. À l'époque, pas encore de système métrique. Les bottiers se basaient donc sur le point de Paris, égal à 2/3 de centimètre, ce qui représente environ 0,666 centimètres, l'une des nombreuses unités de mesure d'alors, hein? Celle-ci, dont l'origine est floue, a été choisie car elle était largement utilisée depuis le Moyen Âge. On sait qu'une pointure 40 correspond à un pied de 40 fois 0,666 cm, soit 26,6 cm. L'usage de la pointure du 17 au 48 en France est ensuite resté après que le mètre ait été adopté officiellement dans l'Hexagone. En 1791, la pointure française s'est alors répandue en Europe, à l'exception de l'Italie et du Royaume-Uni. On en apprend-tu des affaires au dîner de cons? Et finalement, dans le pourquoi du comment, pourquoi dit-on « allô » quand on répond au téléphone, hein? Eh bien, « allô », c'est ce simple mot que commence généralement... avec ce simple mot que commence généralement toutes les conversations téléphoniques, hein? L'origine de cette interjection remonterait à la déformation du « hello », mot anglais signifiant « bonjour » ou « salut ». Lui-même viendrait de l'expression « hello », crié lors d'une partie de chasse quand le gibier était repéré. La légende raconte alors que Thomas Edison, l'inventeur du télégraphe et du phonographe, serait le premier à avoir utilisé « hello » au téléphone et Graham Bell, qui est le premier à avoir breveté le téléphone, aurait préféré utiliser « ahoy » sur ses navires, comme sur les navires. « Ahoy ». OK. Aujourd'hui, de nombreuses langues ont un mot d'introduction à une conversation téléphonique. En Italie et au Japon, on répond par « pronto » et sinon, c'est « moshi moshi ». Vous saviez pas? Mais maintenant, vous le savez. Autre chose que vous ne saviez pas, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? C'est arrivé un 23 octobre en 1856. Décès à Neuilly-sur-Seine du poète français, le grand Théophile Gautier. Vraiment un grand, grand auteur français que j'apprécie vraiment. En 1956, la Hongrie se révolte contre l'URSS à Budapest. La capitale hongroise est ainsi le théâtre d'un soulèvement populaire qui s'oppose au régime communiste stalinien. Sous la pression, Imre Nagy est nommé à la tête du gouvernement, mais le 4 novembre, une importante armée soviétique a envahi Budapest et les autres régions du pays. Plus de 2500 Hongrois ont été tués et près de 200 000 ont fui le pays. C'est arrivé un 23 octobre. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? On avance vers encore le 23 octobre. En 1983, durant la guerre du Liban, deux attentats suicides revendiqués notamment par le Hezbollah tuent 241 soldats américains ainsi que 58 parachutistes français. Toujours un 23 octobre. Sinon, en 1985, le RAID est fondé, une unité d'élite de la police nationale française qui a été créée pour répondre aux situations les plus graves telles que les prises d'otages, l'interpellation d'un forcené ou encore les arrestations à haut risque. Sa devise est « servir sans faillir ». Sinon, en 2001, toujours un 23 octobre, là, vous allez vous sentir interpellé. En 2001, qu'est-ce qui s'est passé un 23 octobre? Eh bien, le premier iPod est lancé par Apple grâce à son design révolutionnaire. Il s'impose comme la référence des lecteurs MP3. Il connaîtra ensuite plusieurs évolutions, iPod mini, iPod shuffle, iPod touch et autres. iPod classique, hein? Avant qu'Apple ne retire l'iPod classique de la vente, le mois dernier, en existe plus le iPod classique, c'est bien triste. Près de 375 millions d'exemplaires se seraient écoulés en 13 ans. Hallucinant quand même. Tout ça est arrivé un 23 octobre. 23 octobre, eh bien, début de la prise d'otage du théâtre de Moscou par une cinquantaine de rebelles tchétchènes. En 2002, elle se terminera le 26 octobre. 39 preneurs d'otages et 67 otages sont morts au cours de cette prise d'otage. Hein, ça n'a pas été payant tant que ça. Ici, c'est trop français, on ne fera pas ça. Ici, en 2013, eh bien, le prince George III, dans l'ordre d'accession au trône britannique, est baptisé, dans la chapelle royale du palais St. James à Londres, un 23 octobre 2013. Sur ce, eh bien, il est midi 51. On s'en va ici parler d'un étonnant secret qui vient d'être mis à jour, le secret d'un sphinx. Là, on va dire, hey, on s'en va en Égypte. Non, en Californie. Les restes d'un sphinx ont été retrouvés sous les dunes de sable du village de Guadalupe en Californie. Mais que faisait cette statue de plus de 4 mètres? Et surtout à cet endroit? Eh bien, après 90 ans passés... 90 ans, vous avez compris, hein, c'est peut-être pas égyptien. Après 90 ans passés sous les sables des dunes de Guadalupe en Californie, les restes d'une immense statue de sphinx viennent d'être découverts. Un sphinx en Californie? S'agit-il là d'un héritage antique vieux de plusieurs siècles ayant voyagé depuis l'Égypte jusqu'aux États-Unis? Pas du tout. Il s'agit en réalité d'un faux sphinx, un gigantesque moulage en plâtre de plus de 4,6 mètres de haut. Il a été élaboré dans les premières moitiés du 20e siècle à l'occasion du tournage du film « Les 10 commandements » réalisé par Cecil DeMille. Ce film américain raconte la libération des Hébreux en Égypte. Deux versions ont été réalisées, une en 1923 et un remake en 56. Si la première était déjà très encourageante, la deuxième, avec Charlton Heston dans le rôle du prophète Moïse, a rencontré un très, très grand succès, et ce mondial. Charlton Heston, c'était la vedette de l'époque. Les restes donc du décor retrouvé à Guadalupe sont ceux de la première version. Selon Doug Jensen, directeur des fouilles, celle-ci avait déjà nécessité de son temps des moyens colossaux. Il s'agit d'un des plus grands plateaux de cinéma jamais réalisés. Parce que les plans ont été tournés sans le moindre effet spéciaux, tous les éléments de chaque scène ont dû être reconstruits grandeur nature. Le sphinx, nouvellement excavé, faisait partie du décor. Accompagné de 20 autres de la même taille, il bordait le chemin du palais du pharaon. La façade de l'édifice, construite également pour l'occasion, était quant à elle aussi grande qu'un immeuble de 12 étages pour un diamètre d'environ 220 mètres. Au total, c'est 2500 figurants et 3000 animaux qui ont évolué dans cette incroyable scénographie. Un budget de près de 1,5 million de dollars a d'ailleurs été déployé pour mener à bien le tournage. Et là, on se rapporte en 1920, là, hein? 1,5 million de dollars, c'était énorme. L'histoire raconte qu'une fois celui-ci terminé, l'équipe a dynamité les décors et enterré les sphinx dans une tranchée. Mais pourquoi? Cependant, le moulage récemment découvert prouve le contraire. Celui-ci, en effet, a été retrouvé très peu Attends un peu. Celui-ci, en effet, a été trouvé à peu près à l'endroit où ils étaient placés au moment de la réalisation du film. C'est donc le sable des dunes, les intempéries de l'érosion qui auraient participé petit à petit à faire disparaître les restes du plateau de tournage. Les fouilles sur ce site ont débuté en 2012. Toutefois, faute de temps et d'argent, eh bien, les archéologues ont dû abandonner leur chantier en plein milieu juste après qu'une partie de la tête du sphinx ait été mise au jour. 2 ans plus tard, les travaux ont été repris pour excaver le corps de la statue et celle-ci sera exposée au public d'ici 1 an après avoir été restaurée. Hein? C'est-tu pas des bonnes nouvelles? Et puis finalement, parce que je pense qu'on va se quitter pas mal avec ça, là, on parle de cet ovni qui a été repéré sur une vidéo des astronautes de la Station internationale spatiale. Donc, les sorties extravéhiculaires sont souvent pour les astronautes l'occasion de capturer des images spectaculaires de l'espace et de notre planète. Parfois, ils s'amusent même à capturer des selfies originaux qui font ensuite le tour de la toile. Mais cette fois-ci, c'est une image plus spéciale qui suscite un débat, encore un autre, sur une image montrant une forme non identifiée flottant dans l'espace. La forme en question a été repérée sur une vidéo mise en ligne la semaine dernière par la NASA. Elle a été filmée durant la sortie réalisée le 7 octobre dernier par l'Américain Reid Wiseman et l'Allemand Alexander Gerst sur une durée de plus de 6 heures. Celle-ci avait notamment pour objectif d'installer un nouveau système électrique sur le système de transport extérieur de la station. Pardon, la vidéo montre ainsi l'un des 2 astronautes s'affairer sur une structure de l'ISS. Si la caméra change d'angle régulièrement, des internautes ont observé qu'une forme qui n'était pas là sur les premières secondes se dessine à droite de l'astronaute. Comme c'est souvent le cas, l'image est floue, ce qui rend difficile d'estimer la forme ainsi que la taille de l'objet, qui semble assez proche. Sans surprise, la forme a suscité de nombreuses hypothèses. Là, moi, je fais un petit break. On sait qu'il y a 10 000 millions d'objets qui flottent dans l'espace. Fait que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une baleine qui flotte dans l'espace. Là. Non, mais pour vrai, ça peut être vraiment n'importe quoi. Néanmoins, certaines explications plus terre à terre ont aussi été évoquées. D'après The Examiner, l'objet volant non identifié pourrait être l'un des vaisseaux de ravitaillement actuellement aux abords de l'ISS. En effet, le 23 septembre dernier, une capsule Dragon de SpaceX est arrivée, suivie 2 jours plus tard par un cargo russe qui a amené 3 nouveaux spationautes à bord. Le premier devait retourner sur Terre le 18 octobre et le second devait rentrer le 10 novembre. Seul problème, le 7 octobre, les 2 vaisseaux étaient amarrés à l'ISS et ne flottaient donc pas dans l'espace. Une autre hypothèse suggère que la forme pourrait être en réalité un éclat de lumière se reflétant sur une partie de la station spatiale. Problème, ce genre de phénomène nécessite normalement une puissante source de lumière, ce qui ne semblerait pas être le cas ici. D'après certains, la vidéo montre une lumière plutôt régulière, ce qui rendrait la théorie de la réflexion moins crédible. De même, le fait que la forme apparaisse progressivement sur des images écarte la possibilité qu'il s'agisse de quelque chose présent sur la caméra ou alors il devrait s'agir de quelque chose qui s'était interposé durant l'opération. Pour l'instant, l'apparition de cette forme reste donc un mystère sur lequel la NASA n'a pas encore communiqué. Néanmoins, c'est loin d'être la première des images de l'Agence spatiale américaine qui intrigue et suscite de folles théories parmi les internautes. On le sait. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Ah, Stéphanie Paradis, on va parler des choses qu'on dit dans la vie. Tu sais, on dit des choses, mais des fois, on part à travers notre chapeau, puis des fois, on sait pas trop pourquoi on dit des affaires, puis on pense que c'est la vraie affaire qu'on dit, mais c'est pas la vraie affaire. Tu sais. Toi, tu vas être là pour nous dire les vraies affaires derrière les vraies affaires. Est-ce que je parle trop longtemps avant de parler? Voici sa plus simple expression. Calmons le rythme un peu. La plus simple expression, parce que toi, c'est pas tout le temps simple quand tu parles, hein, Mathieu? Pas toujours. Donc, c'est la plus simple expression pour vous expliquer un peu l'origine des expressions qu'on utilise, des locutions. C'est ça que j'ai dit, c'est exactement ça que j'ai dit, c'est que j'ai pris 45 fois plus long. Ouais, sauf que c'est à moi de le faire, c'est ma chronique. Ah, fait c'est que, ça, hein? On va commencer. On a une petite thématique à chaque chronique, bien entendu. Et aujourd'hui, ça serait petite thématique religieuse. Oh, intéressant. Donc, on va commencer sans plus tarder avec l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Moine qui est évidemment, des fois, je dirais... Est-ce que je ramène ça au sexe encore? Tu fais ce que tu veux.

Donc, c'était un sens quelque peu différent. Mais dans aucun cas, il y a une notion de misère, de gêne, de difficulté à gagner sa vie dans ce cas-là. C'est à partir de 1690 que Furtière donne la signification actuelle à l'expression qui est avoir des difficultés à subvenir à ses besoins. C'est pas mal ça. C'est vraiment cool comme chronique, je trouve. C'est cool. T'as tellement fermé ton micro. Je l'ai fermé pour me moucher, puis je pensais l'avoir allumé. T'as oublié de te réouvrir. J'ai oublié de me réouvrir. T'sais, j'ai oublié d'assouvir mes besoins, Steph. De parler dans un microphone. Phallique. Qui est étrangement gris. Étrangement gris, j'ai bougri. C'est une nouvelle mousse, là. D'où le verbe bougrir, hein. C'est... Bougrir. Moi, j'ai une nouvelle mousse, l'autre a fendu. Je me suis fendu le bout de dire. Du micro. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique plus simple expression. C'est, Sinon, je vais être là demain pour autre chose. Pour autre chose tout le temps, mais on t'écoute tous les jours à Assemblage Requis. Et la chronique plus simple expression, c'est les mardis à 9h. Voilà. En fait, tes chroniques ont tendance à être à 9h pas mal cette année. C'est vrai. C'est vrai, ça. Je pense que pour s'habituer l'oreille, à 9h, c'est Stéphanie Paradise. S'habituer l'oreille, je s'habitue à ma voix, puis là, on est capable de m'écouter jusqu'à qu'il est rendu vers 9h. C'est exact. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et c'est un dossier que vous allez comprendre, ceux qui sont habitués au dîner de cons, eh bien, c'est un dossier qu'on a quand même à cœur. Eh bien, on parle de la bière. Et ce qui est triste, c'est que les géants de la bière mènent la vie dure aux microbrasseries de la région. On va en apprendre plus. Entre autres, la microbrasserie shawinganaise Le Trou du Diable a dû retirer ses bières en fût d'un restaurant de la région après que Molson Coors a exigé l'exclusivité des fûts avec ce dernier. Isaac Tremblay, de la microbrasserie Le Trou du Diable, déplore ce monopole. Souvent, les grandes brasseries, leur stratégie, c'est l'exclusion. Ils vont enlever les compétiteurs, puis ils vont imposer leurs produits cheap. Hein? Bravo, Molson. De leur côté, les propriétaires du commerce visé ont expliqué qu'il s'agissait d'une décision administrative. Il affirme qu'il ne pouvait pas refuser la demande de Molson Coors dans un contexte économique actuel. En fait, je trouve ça triste. Laisse tomber Isaac Tremblay. Je veux dire que tous nos produits sont encore là, en bouteille, de toute façon. Pourtant, le règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques prévoit qu'un fabricant ne peut offrir ni procurer un avantage financier ou autre à un distributeur en vue d'empêcher l'accès à la disponibilité des boissons alcooliques d'un autre fabricant. Mais cet article ne s'appliquerait pas à la présente situation. C'est seulement si vous êtes en rapport avec le réseau de la Société des alcools, explique Jean-Pierre Tremblay, directeur général de l'Association des microbrasseries du Québec. Si vous êtes sur l'ensemble du marché, ce règlement-là ne s'applique pas. Alors, ce qu'on nous demande, c'est que ce type de règlement devrait s'appliquer à tout le marché. Hein? On aime ça, mais moi, ce que j'aime, pas parce que Coors, mais j'aime ça au moins que les gens réagissent et qu'il y ait une association des microbrasseurs comme ça, parce que ça n'a pas de sens. Coors, c'est pas bon. Molson, c'est pas bon. C'est de la bière cheap. Ça appartient à Star en plus. Molson Coors, c'est bon, on dirait « Ah, mais c'est canadien ». Non, non, ça appartient à Sapporo, à Star. Votre bière, là, c'est de la bière japonaise, même si elle est faite ici. En tout cas. On s'en va ici avec, on va rester en région, on parle des automobilistes indisciplinés sur le pont La Violette. Nombreux sont les automobilistes qui ne respectent pas la ligne continue tracée sur la chaussée du pont La Violette le 29 avril dernier pour empêcher les changements de voie durant les travaux. Ben moi, je veux être franc avec vous. Je m'excuse, mais quand sur le pont La Violette, quelqu'un avance pas en avant de moi et qu'il y a une ligne pleine, des fois, oui, je vais la dépasser parce que ça n'a juste pas de bon sens. Il y a des gens qui ont peur de traverser le pont, puis c'est correct d'avoir peur de traverser le pont, sauf qu'il chauffe à 50 km. Dans ce temps-là, j'ai le goût de dépasser. T'sais. On nous dit que c'est une infraction qui est passible d'une amende de 200 $ et de 3 points d'inaptitude, et ce, en tout temps, qu'il y ait des travaux ou non, on doit respecter les lignes jaunes continues. Oui, oui, on apprend que la ligne pointillée sera de retour dès la fin des travaux à la mi-novembre. Et j'espère qu'il y a d'autres fins de travaux qui s'en viennent, là, parce que moi, je reste à Pointe-du-Lac. Puis je sais pas si vous le savez, je sais pas si vous connaissez le coin, là, mais pour se rendre à Pointe-du-Lac, à cette heure, c'est assez compliqué. Hein? Toutes les routes sont en construction, et ce, depuis le printemps. Les sorties d'autoroute, toutes, en tout cas, ça vient un petit peu long. Et parlant de un petit peu long, on a un gros dossier, puis ça va me faire plaisir de vous en parler, parce que là, on va parler de l'effet libéral, on va jaser. La semaine dernière, Alain Dubuc se questionnait sur les retombées réelles de l'effet libéral, accusant sans gêne le Parti québécois pour les difficultés économiques du Québec. Même son cloche ce week-end, alors que Raymond Bachand, l'ancien ministre libéral des Finances, écorchait le PQ pour la morosité économique. Mais là, en partant, je fais déjà une pause. Le PQ a été là 18 mois durant les genre 10 dernières années. Selon ces deux hommes, tout est à fait impartial. L'effet libéral, bien qu'il tarde à montrer le bout du nez après tout, c'est l'hiver qui arrive à nos portes, eh bien, l'effet libéral devrait bientôt se faire sentir. Messieurs Dubuc et Bachand, je dois candidement avouer que je ne suis pas d'accord avec vos affirmations, car à mes yeux et mon portefeuille, l'effet libéral se fait sentir depuis maintenant plus de 12 ans. Ces 12 années de trop ont permis à vos amis et vos collègues de consolider cet effet libéral par le biais de divers ricochets qui transparaissent aisément dans l'ensemble de vos prises de position et de décisions qui, rappelons-nous, sont rarement profitables à la population ou, comme vous aimez l'appeler, aux contribuables. Parce qu'après tout, le Québécois n'est rien de plus qu'un individu qui contribue financièrement. On est juste ça, un contribuable. Moi, je dirais un contribuable, oui, ça le dit. Le reste, ce n'est pas vraiment important. Ce qui compte, ce sont les vraies affaires. Ça fait 12 ans qu'on parle des vraies affaires avec les libéraux. Hein? Sérieux, c'est hallucinant. Cela dit, je dois toutefois admettre que je suis d'accord avec M. Bachand sur un point. Soit lorsqu'il affirme qu'il faut regarder au-delà des 6 derniers mois pour bien comprendre et analyser la situation québécoise. Eh bien, mon cher Raymond, je ne pourrais être plus en accord avec cette proposition. Partons en ce sens notre regard sur les 10 dernières années, si tu le veux bien. Je pense qu'on pourra tout à fait y déceler la portée de l'effet libéral. Ainsi, pour bien saisir l'influence d'un gouvernement, il est intéressant de comparer la durée de leur emprise. Pendant que le PQ de Pauline dirigeait la province pendant une période colossale de 17 mois, le PLQ de Charest et ensuite du docteur Couillard tenait les rênes de l'État pendant près de 120 mois. 17 contre 120, OK, dans les 12 dernières années. Or, en tenant pour acquis que les libéraux seront au pouvoir jusqu'en 2018, cela veut dire que le PLQ aura régné en maître durant plus de 160 mois. Autrement dit, entre 2003 et 2018, le Parti libéral en aura eu les mains sur le volant, parce que c'était l'expression de Charest, pendant 90 % du temps, qui pourrait, mis à part M. Dubuc et Bachand, douter de l'effet libéral. Alors, si ça va bien, c'est grâce à qui, hein? Bref, avec autant de temps et de latitude pour effectuer des choix, pour plébisciter leur vision de la société et conséquemment pour orienter les politiques québécoises qui auraient l'audace d'imputer les problèmes actuels au PQ plutôt que de regarder du côté de l'effet libéral, eh bien, M. Dubuc et Bachand, hein? Vous n'êtes pas convaincu du mont offert au forage tout récemment à Kwakuna, en passant par les pertes de 40 milliards à la Caisse de dépôt. Il me semble que beaucoup de réalisations libérales depuis les 10 dernières années ont eu des conséquences assez négatives pour l'ensemble de la population et pour les contribuables, parce qu'on est con de vous endurer là. Attention, l'idée n'est pas de dresser une liste exhaustive des décisions douteuses prises par le PLQ et qui auraient pu en accentuer cet effet, l'effet libéral, mais plutôt davantage de démontrer que si cet effet est bel et bien observable depuis maintenant trop longtemps. Parlons de l'accroissement phénoménal de la dette globale du Québec sous Jean Charest. Près de un tiers de l'augmentation des taxes à la consommation, de la complaisance face à la des augmentations de taxes à la consommation. M. Charest aussi avait beaucoup de complaisance face à la collusion et la corruption, de la gestion de la grève étudiante. Ils ont bien fait, M. Charest. La gestion d'Anticosti, les TBI, la réforme scolaire, l'îlot voyageur des commissions Bastarache et Charbonneau, de la mine Jeffrey, du CHUM, du CUSUM, de la cimenterie de Port-Daniel, le pipeline de Enbridge, le transport du pétrole de l'Alberta sur le Saint-Laurent, le contrôle médiatique accru, un bâillonnement à la sauce harpérienne, récemment repris par Couillard. Du surfinancement des écoles privées juives pendant que l'on coupait dans l'éducation publique et la recherche, de la démarche d'austérité mise en place pour la population, mais pas pour l'élite libérale. Et là, on en passe, on pourrait en ajouter. Alors, pouvez-vous encore douter de l'effet libéral que vous recherchez tant? Messieurs Dubuc et Bachand, cet effet est aujourd'hui ancré dans la structure et les mécanismes au point où les répercussions ont permis de diminuer l'influence du Québec sur la scène nationale et aussi à l'international, tout en venant multiplier vertigieusement vertigineusement, oui, notre endettement collectif à nous, contribuables. Hein? L'héritage que vous nous aurez laissé en 2018 sera considérable, considérablement irréversible. Vous avez beau accuser le Parti québécois, ce parti de séparatisme, mais la réalité est que les libéraux sont les responsables totaux de la débâcle actuelle. N'en déplaise à vous, mes chers messieurs, et à vous, chère population, hein, l'effet libéral aura eu comme incidence de nous faire passer de porteur d'eau à porteur de pétrole et surtout de nous faire accepter l'inacceptable, comme le prouve votre plus récente élection. Mais bon, comme disait l'autre, « better crook than separatists ». N'importe qui sauf des séparatistes, c'est bien mieux. Sérieusement, c'est un texte magistral. On devrait lui donner un Pulitzer à M. Yannick Barrette, auteur du livre « L'idéal républicain, réflexion sur le passé et l'avenir du Québec ». Alors, si vous êtes un partisan du Parti libéral, félicitations. Mais en même temps, je me dis que si vous écoutez le Dîner de cons, vous ne devez pas être un partisan libéral. Mais bon, sûrement qu'il y en a parce que tout le monde a voté pour eux. Puis après, tout le monde veut s'en laver les mains. Bravo aux libéraux, qu'on pourrait dire. Et puis, il y a des gens qui croient encore en ce parti. Sérieusement, je nous trouve vraiment, j'ai vraiment honte en tant que Québécois de ce qui s'est passé, sérieux, il y a quelques mois, quand on a réélu ces libéraux condescendants qui ont été là depuis 2003, qui nous ont fait chier, qui nous ont appauvris en tant que société, qui nous ont mis dans le trou. Et puis nous, on les a remis au pouvoir. Parce qu'on peut... c'est pas moi, mais c'est nous qui l'a fait. On peut pas tout dire, ah, oh, mais c'est pas moi, mais c'est pas moi. On les a remis au pouvoir, puis on les endure là. Si on était vraiment dans une démocratie en ce moment, eh bien, on les sortirait à coups de pied dans le cul, sérieux, les libéraux. Moi, c'est ce que je vous dis. Si c'était une vraie démocratie, pas une démocratie de bonbons comme dans quoi on vit en ce moment. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.